Du coup, Du coup. quelle est cette fameuse histoire que tu voulais me raconter? Il n'y a aucune histoire que je veux te raconter. Arrête, on est entre nous. De quoi tu parles? Bon, d'accord, je vois bien que t'es mal à l'aise et que tu veux pas en Non, parler. mais de quoi tu parles vraiment? Non, non, il n'y avait rien, c'était juste pour démarrer Ah, le oui, truc. Ah, oui, c'était encore pour me foutre de l'an. Des fois que Enfoiré. tu serais parti dans un truc, bon, Putain. ça ferait un bon début, Ouais, quoi, mais. l'autre jour, j'ai fouillé dans les poubelles, j'ai vu un dromadaire fuchsia qui jouait de l'accordéon. Ah, viens, j'ai dit, tiens, merde. Tu vois? Bah, ça, Mais il m'en arrive des histoires. c'est pas faux. Du coup, je te propose qu'on y aille, au lieu de boire ta bière comme tu fais incessamment. J'arrête pas en fait. De boire de bière? Pouf. C'est pas faux. On y va? C'est parti. Eh bah, bienvenue dans cet épisode 23 de cette saison 3, ou comme on aime à l'appeler, l'épisode avant-dernier avant le fest. Et oui, les amis, je sais que derrière vos écouteurs, vos enceintes, votre home cinéma, votre autoradio de voiture, vous vous dites quoi? Comment ça? C'est bientôt la fin. Et oui, encore deux épisodes, un Hellfest et un épisode, et c'est la fin de la saison 3. Et peut-être même du podcast. Ouais, bravo! Pardon. Sais pas, on n'a pas du tout discuté de l'avenir du podcast, Pas du tout. donc voilà, bienvenue à toi, Bob. Merci, t'as toi, Jacques. Kling, Klung, à la tienne. Hey! Faut que tu meubles. Ah, et, alors, qu'est-ce que. But, on l'a pas fait, je crois. Je sais plus. Non, je crois pas. T'es un très très bon meubleur, comme on dit. Alors, comment s'est passée cette petite semaine? Une semaine, somme toute, assez courte et remplie de fériés. Bah certainement moins on va dire moins tu vois moins pleine d'action que toi. Pourquoi tu te rabaisses toujours comme ça? Je te le disais encore hors antenne, mais on est pareil, mec. On est Ah, à la même hauteur. c'est pas une question de ça. Mais si, mais t'es C'est que toujours en toi, train de. comment Oui, s'est ma passée vie, ta c'est de petite la semaine? merde. Ah ben ouais, c'est ça. ma Écoute. petite semaine, ça a été. Bah, c'est plus mon week-end qui Oui, était. ce week-end alors, parce que t'en as parlé à tout le monde est au courant. Je mime. Ah, comment va Steffi Graf? Eh ben, elle se porte plutôt bien. André Agassi. Pareil, ils ont Bon. ensemble des enfants. Et Beckenbauer, comment il va? Je sais. Oui. Alors, bon. Bah, je ne l'ai pas vu, c'est D'ailleurs, dommage. ah, flûte, Et c'est oui, dommage. car j'ai été à Roland-Garros. Et ce qui est marrant, c'est que tous les gens à qui je le dis, la question qui arrive derrière, c'est « T'aimes le tennis, toi ?» Et la réponse qui est derrière, « Non, je n'aime pas le tennis. Normal. » Voilà. Donc non, j'ai été à Roland-Garros pour voir comment c'était. Tu sais, d'ailleurs, ça m'a fait très bizarre parce que j'avais pas d'accréditation, ni de passe, Ouais, bah oui, machin. Donc j'imagine. j'étais avec les gens Ouais. lambda, quoi. Puis tu te serais placé où, quoi, je veux dire? Ouais, non, mais bah, j'étais avec les C'est gens. quand qu'ils arrivent, J'étais dans les les gens du tribunes. concert? Oui, Ouais. mais j'étais Ouais, c'est assis avec ça. des gens et c'est bizarre en Du coup, fait. tu as été à Roland-Garros Oui. avec ton sponsor. Oui. Enfin, avec notre sponsor, du Oui, coup. notre sponsor, notre principal sponsor, oui, Voilà. tout à fait. Qui... Donc, c'était un peu l'idée, quoi, de. Bah, parce que le sponsor aime beaucoup le tennis et Voilà. encore plus Roland-Garros. Voilà. Donc, voilà. Mais on a aussi profité de se balader dans Paris, de marcher Bien sûr, et de j'entends bien. découvrir quelque chose que j'ignorais. Alors, bien sûr, tous les gens qui sont de région parisienne vont nous rire au nez. Ils vont faire, mais vous êtes vraiment nul dans votre bourgade. Mais en fait, il y a maintenant le Vélib, c'est fini. C'est de la trottinette électrique en location. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Et ah bah, moi, je ne savais pas. Ah ouais. Et du coup, en fait, les gens les laissent n'importe où. Mais Mais vraiment j'ai vu ça n'importe où. aussi, C'est impressionnant. Et donc, bah, tu arrives, tu scannes avec ton téléphone. ouais. Et tu prends une trottinette qui est sur un tas 1 de euro pour trottinettes. le déblocage et 0,15 centimes pour la minute. Et tout le monde roule la trottinette partout. Partout, partout, partout. Ça doit être atroce. C'est atroce, mais c'est surtout que tu as vraiment des objets de trottinette posés totalement en aléatoire. Ça peut être devant des portes, ça peut être au milieu de la route, ça peut être. Tu as trois trottinettes sur un trottoir. C'est total, total, c'est impressionnant. Paris is beautiful. Oh yeah, Oh. Paris is beautiful. Par contre, j'ai quand même téléchargé l'application pour voir comment ça va. J'étais prêt à en prendre une, hein, prêt. Hein, j'ai dit, Bon, allez, tout est. investigation, investigation. Tout ça pour le petit moment de la petite semaine de Road to Exactement. Hellfest. Mais j'ai pas été au bout. Donc, Ouais, c'est dommage. bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je pouvais avoir en parrainant quelqu'un, j'avais 1 euro et donc le déblotage gratuit. Donc j'ai parrainé notre sponsor, mais elle a jamais pris. Donc j'ai pas pu. Oh, D'ailleurs, est-ce qu'on peut signaler un changement de sponsor pour cette semaine ? Oui, bah on peut éventuellement, ouais. Donc, cette semaine, cet épisode vous est présenté par Bob. Bob, pour vous détendre toutes les semaines. Si vous avez des petits travaux à la maison, des commodes, des lits à installer, des parpaings à monter. Des parpaings, Bob est là, il sait tout faire. J'ai fait. N'hésitez pas à lui laisser des messages. Faut que je fasse la mienne avant le Hellfest. La quoi ? La vidange. Ah, voilà. Donc, n'hésitez pas, il sera là. Voilà. Donc, merci à toi, Bob, de ce parrainage. C'est moi que je me remercie. Ah, il est sympa, ce Bob. Ça me fait plaisir. Klong. Klong. Désolé. Très bien. Klong. Fameux. Et donc, toi, cette semaine, rien de spécial ? Non. Tu sais, week-end à rallonge. Donc, repos, pas repos, pas repos, pas repos. Et pas repos. D'accord. Voilà. Est-ce que tu veux parler maintenant de ton truc ? Tant qu'on a encore de mon truc. Alors, oui, éventuellement. Non, mais c'est parce que j'y pense là. J'en ai parlé vaguement vite fait la dernière seconde. Voilà, dernière seconde. Alors, je ne sais pas comment je vais procéder, certainement en remise en main propre. Mais étant donné que nous sommes, comme on l'a dit, accrédités et ma foi, invité au Knotfest. Oui, également, en plus du Hellfest. En plus du Hellfest. Eh bien, je mets mon pass Knotfest à gagner, tout simplement, par un auditeur de Road to Hellfest. Waouh, mais comme générosité, parce que moi, je le fais pas. Mais voilà. Quelle générosité, tu vois. C'est parce que tu as trouvé un acheteur. Et puis moi, je me suis dit, j'en trouve pas, donc du coup, je vais le faire gagner. Mm-hmm. Donc voilà, la remise se fera certainement en main propre, mm-hmm. sur le site. Je pense que c'est ce qui est le plus simple, parce que je serai là, au cas où. Voilà. Admettons. Parce que je ne changerai pas le nom, hein. On ne va pas se faire chier. D'accord, voilà. Très bien. C'est vos histoires. C'est entre toi et moi, ça va être plus simple. Et donc, quelle question ? Comment va se porter ce concours ? Quel est l'objet de ce concours ? Alors, c'est une bonne question, je vais y réfléchir. Je pense que je posterai un petit truc, on est quel jour ? Mardi. Je posterai un petit truc dans la semaine pour donner l'idée. Hein. Alors, je pensais à mettre Attendez-vous à ce que ça sorte dans la semaine. Ah, mais je le dis. Non, j'y réfléchis. Mais voilà. En attendant, l'idée est là. L'idée est là. Et en plus... J'ai un super DVD que je offrirai. Il est sous blister ? Il est sous blister. Il est neuf. Hein, il est... Donc, ce sera la surprise du chef, hein, bien sûr. Ah non, mais tu peux pas faire ça. Mais attendez-vous à un grand film. Putain, mais là, pour le coup, tu te fous pas de la gueule des gens. Ah, pas du tout. Non, je pense qu'à mon avis, là... Enfin, je veux dire... J'ai un pass notre fête. C'est énorme. C'est généreux. Déjà. Mais là. Là, ça c'est, je pense, le mec en face, le mec ou la fille, ouais. forcément te... Me paiera une bière. Ah, je pense. J'y compte bien. C'est un peu pour ça que je le fais aussi. Très bien. Parce que je pense qu'on va manquer de bière. Merci. Merci à toi pour cette générosité. Donc je vous tiendrai au courant de comment que c'est que ça va se passer. Après, s'il y en a qui veulent se battre en envoyant des MP en disant moi je le veux, je le prends, machin. Oui, voilà. Libre à vous, hein. Nous, il peut très bien poster un truc en disant bah voilà, je l'ai donné à. On ne sait pas. Hein. Donc. On ne sait pas. Non, mais voilà. Je vais réfléchir, là. Je réfléchis un peu. J'ai des petites idées qui me trottent dans la tête. Donc, toutes les semaines, ou quasi, vous avez déjà 1h30 à 2h de contenu mais merveilleux. Et en plus, on commence à vous offrir des invitations. Mais c'est une saison 4. Attendez-vous à du très lourd. On vous offrira un Ben Barbeau gonflable. Ouh. Voilà, que vous pourrez emmener chez vos beaux-parents. Ah, moi, j'ai plus fort que ça, moi. Je vous offre une rencontre avec Ben Barbeau. Dimanche matin, après la conférence de presse. J'ai mieux. Je vous offre un vol en montgolfière avec Ben Barbeau. Et un dîner à... Calme-toi. Ah oui, pardon. On va se calmer. Je te propose d'enchaîner après cette très bonne nouvelle avec les sorties de la semaine. C'est vrai, c'est pas faux. Car le 31 mai, plusieurs albums sont sortis. Ah, flûte. Je n'ai retenu que 3. Parce que des fois, on arrive c'est sur... C'est léger. Mais en même temps, on n'est pas... C'est pour être dans la cohérence. Complètement. Donc on commence avec la sortie enfin du live d'Ultra Vomit, à savoir l'Olympe Putain de Pia, qui s'est vu du coup le même jour accompagné d'une vidéo de la chanson Kamtar. C'est ça. Donc on peut rappeler que c'est le live qui a été enregistré à l'Olympia. Hein. Il y a plusieurs mois déjà, j'ai oublié, qui était apparemment un très très concert sympa, formidable. Ouais, pareil. Ah, l'as-tu écouté? L'Olin putain de la Pia. Oui. C'est l'Olin putain de Pia. Pia, pardon. Excusez-moi, il faut être précis. Alors, Entièrement, non, je ne l'ai pas écouté. Ah, d'accord. Non. Ok. Voilà. Moi, je l'ai écouté ce matin même, entièrement. Et fait très rare, ou non, c'est sûrement le but, mais ça m'a énormément donné envie de revoir le groupe. Mais Flûte. Vraiment, j'étais là, je dis, ah putain, je sais qu'ils passent dans pas très longtemps dans un festival à Clisson, mais aussi dans un petit festival où je vais souvent, à savoir les Bichoiseries. Et ça m'a donné presque envie de redemander une accréditation pour y aller le vendredi soir, ce qui passe. D'accord. D'ailleurs, je te... Oui, tu m'en avais parlé. Les Bichoiseries, franchement... Ah, c'est... Ouais, à Cerisy. Cerisy, belle étoile. Ça serait bien, le cadre est magnifique. Il y avait Absocloud qui passait aussi. Cette année? Ouais. Après, on en reparle. On en reparle. Mais c'est la semaine d'après le Hellfest. Bah oui. Forcément. Pour être sympathique. Voilà. Donc non, j'ai trouvé que je sais pas s'il y avait beaucoup d'autres moments où ils ont parlé, parce qu'en fait ça enchaîne énormément de chansons, parce que les chansons sont assez courtes. Mais du coup, ils ont juste les bons moments de où ils parlent. C'est pas trop long, ça s'enchaîne hyper bien, c'est fluide, la prod est très très bonne. Est-ce que c'est ce qu'on a déjà vu? Clairement. Par contre, on est sur quelque chose de déjà vu, avec même certaines blagues qui sont aussi sur le CD. Mais dans l'ensemble, ça marche quand même super bien. Et non, je te dis, ça m'a redonné envie de les voir. Tant mieux. En tout cas, ça m'a au moins donné envie de voir le live en DVD. D'accord. Donc, je me tâte. C'est cool. Alors que j'étais pas du tout parti. Non, mais c'est cool. Autre sortie, Death Angel, avec l'album Humanicide, un album que j'attendais énormément. Est-ce que tu l'as écouté? J'ai pas écouté l'album, j'ai juste écouté le morceau que tu as passé là, et qui me donne beaucoup envie d'aller écouter l'album. D'accord, j'ai écouté une grosse moitié de l'album, parce qu'en fait, comme c'est un album que j'attendais beaucoup, j'ai pas voulu le bouffer trop vite. Ouais. Et accessoirement, comme mon week-end était assez chargé, écouter entre deux, ça m'embêtait aussi. Donc je me suis un peu gardé des chansons de côté. J'ai écouté la grosse première moitié. Ce que je peux en dire, c'est que malheureusement, je suis quand même plus attiré par les deux premiers singles qui étaient sortis. Le reste est bien aussi, mais beaucoup moins hypé. Mais donc j'attends l'autre moitié de l'album pour avoir un vrai retour. Mais il y a des chances quand même que je l'achète, parce que j'aime bien Death Angel. Ouais. Voilà. J'ai même failli chercher une boutique pour le trouver. Et les balades parisiennes nous ont éloignés de trucs, de machin, de ceci, de cela. D'accord. Voilà. Et autre sortie que j'avais complètement zappée, que j'ai vue hier, Glory Hammer avec Legend from Beyond the Galactic Terror Vortex, qui est donc un groupe de... Rigolade. De power metal. Ah, flûte. De power metal spatial, un peu. Oui. Et qui a en son sein le claviériste qui n'est autre que le chanteur d'Alstorm. Oui. Vous rappelez-vous-en? Je m'en rappelle-en. As-tu écouté? Le titre que t'as mis, ouais, j'ai écouté. Et alors? Oh, c'est très la bagarre, hein, quand même. Hein. Faut se battre. C'est épique. Ouais. Certains iraient même jusqu'à dire le mot festif, mais ils ne sont plus là. Ouais. En même temps, bagarre, ça bastonne, ça bâton, festif, ça tout colle, les chars. Tout est bien. C'est ça. J'ai écouté trois quarts de l'album. Je vais pas vous mentir, assez difficilement, hein, parce que c'est pas forcément ce que je préfère. Ça continue. Pardon, excuse-moi. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Jean-Michel. Il nous réécrit? Ouais. Il dit, en fait, ça me tente bien le témoignage. Bon enregistrement. Ça va encore faire des bières. Alors, nous aussi, hein, du coup. Hein. Moi, je vais venir avec des bouteilles d'eau cette année. Hein. J'ai amené deux packs. Beaucoup. Hein. Bon, en tout cas, ouais, Glory Hammer, j'en parle parce que je l'ai écouté parce que j'avais fait la chronique. C'est pas nul, hein, dans le style, c'est juste que c'est pas mon style, quoi. C'est quand même assez, assez étrange de réussir à être aussi kitsch en 2019. Je pense que c'est totalement assumé volontaire. C'est sûr et certain. Dans le clip, on a l'impression qu'il venait de se réveiller. Ah ouais, non, non. Avec carrément une mèche sur le côté. vois bien qu'il fait plus ce mec à jouer derrière son ordi toute la journée qu'à être chanteur d'un groupe de métal. Mais c'est pour ça que quelque part... Ils sont 3 dans le groupe ? Non, non, ils sont 5. Ah, d'accord. Parce que dans le clip, on voit que 3 mecs. Non, t'as pas fait gaffe. On en voit plus. C'est vrai que le claviériste est toujours un peu caché et mis de côté, mais non, non, ils sont home. On voit beaucoup le batteur, le chanteur. Batteur, chanteur, guitariste. Ouais, c'est ça, il doit être 5. 4 ou 5. D'accord. En tout cas, c'est pour ça que reste l'idée de les voir en live, mais de mémoire, ils doivent passer en main stage. Ah oui ? Donc. Ah ouais. Ouais, non, après. Non, mais pour le délire, quoi. Je vérifie hein, pendant que tu nous racontes une superbe histoire. Oh, bon, attends, non, j'en ai pas. Bah écoute, sinon, ouais. Je t'en prie. Tu veux que je commence les news ? Rubrique. C'est la rubrique news. Un petit point Mutukultor. Voilà. Afin de venir partager avec vous cette news. Le RO ou Running Order de l'édition 2019 est dispo. Connu, accessible, bref. Si tu te demandes qu'est-ce que se passe, quand est-ce que passe Trust, par exemple... Attends. Ah, tu as un rhume. C'est pas la bonne saison. Il faut... Main stage. À 12h15, vendredi. C'est jouable. Oui, bah, à cette heure-là, c'est jouable. Je ressors le pince bait. Non, je dis à cette heure-là, c'est jouable dans le sens où à cette heure-là, c'est jouable. Face à Aorlac et The Rum Jack. Ah, eh ben c'est pas jouable. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué, du coup. Moi, je dis bravo. Excuse-moi, je t'ai interrompu. Tu disais un petit point Mutukultor avant de venir partager avec vous cette news. Le héros ou Running Order de l'édition 2019 est dispo, connu, accessible. Bref, si tu le demandes, quand est-ce que passe Trust, par exemple, eh ben sache que c'est samedi, du côté de la Dave Mustage, à 21h20. Une heure parfaite pour aller pisser. Ah, le con, il garde toujours la même blague, il est rigolo. Oui, mais si tu préfères Cadavar, me diras-tu. Tu préfères Cadavar ? Ah, c'est bien, tu me le diras-tu. Eh bien, c'est simple, tu vas dès vendredi vers la Massif Ferguson. La Massé Ferguson. Tu fais toujours la même blague. Du côté de 20h20, et tu seras heureux de tomber sur le groupe. Pour le reste, tu te démerdes et tu regardes toi-même. Ok, c'est... mec. Ok. Petite question par rapport à ça. Non, c'est faux. Je t'ai vu. Je t'ai vu liker ou dire participe à l'événement ou un truc comme ça. Non, ou s'intéresse à l'événement. Ouais, intéressé. Ouais. Et tu ben, mets rarement je suis grave intéressé. Bah ouais, donc. Eh ben, ça m'intéresse. Et t'en es you. Oh non. Mais j'en suis you. Mais you. Ouais. J'étais à l'œil, toi, parcimonie. Hein. Je vois bien y aller comme ça et m'envoyer un selfie une fois là-bas en disant « Oh, yeah, c'est trop cool yeah, !»« Salut, Jacques !»« Dans ta gueule, connard !» Ouais, je la connais, celle-ci. Hein. Eh ben, peut-être. Oh et peut-être que je te ferai même un live report, un spécial Road to Hellfest. Très bien. Après, tout sur ton dino. Eh ben... tout sur mon jardinet. Un nouveau podcast ? Ah, peut-être. Oh, j'ai vu un podcast qui a l'air merveilleux. Il y a un podcast sur les tondeuses électriques. Sérieusement ? Ah là là. Putain, j'en ai une en plus. Non, mais une autonome. Tu sais, les robots. Ah ouais, d'accord. Les robots tondeuses. Ah, je n'en ai pas. Ouais, ça, peut-être ça peut m'intéresser. Ma mère, on a... Un podcast comme ça ? Non. Ah ouais. Un robot tondeuse. Ah, d'accord. Elle a beaucoup à tondre ? Oui. Ouais. Elle a craqué le PEL. Hein. Au niveau de l'espace ? 3-5 ? C'est énorme. Grandiose. Alors, je passe à la news suivante. Désolé. C'est ma petite news à moi. Allez, attends une seconde. Hey, c'est notre podcast. Hein. Si oui, c'est vrai en même temps. Hein. Si t'es pas content, bah écoute. Je veux dire, on peut quand même. RTL. On a le droit de passer un bon moment. On a le droit. Parce que on s'autorise, mec. Parce que franchement, parler de musique, tout ça, c'est bon, quoi. Il y a un moment, c'est vrai que moi, j'en transpire la nuit. Alors, des fois, on a besoin de relâcher la pression. C'est vrai. Pour ça, on a de la bière et après, on... On parle tondeuse électrique. Voilà. C'est important. On est des gens normaux, nous, hein, de base. Hein, on parle bagnole. Je pense que... Non, jamais. Je veux dire, on est un peu sous la normalité, mais... Après, tout dépend où tu la mets, quoi. Ouais. Ah ouais, non, moi, je me dirais pas sous, moi. Mais ça dépend où tu mets la barbe. Oui, c'est ça, voilà. Oui. Moi, j'aurais plus dit, en fait, à côté, le chemin qui est en parallèle. Et voilà, c'est ça, celui que tu veux pas prendre, en fait. Ou quand les mecs, ils marchent... Quand t'es normal, tu veux pas le prendre. Oui, parce que les mecs, quand ils marchent, on se rejoint plein de petits graviers, on dit, mais arrêtez, merde. Ouais, c'est ça. Parce qu'ils y vont en... Bah, on, du coup, il bagarre. À fond, quoi. Alors, c'est ma petite news à moi, ça me fait plaisir, et sache que dans ces moments-là, je ne boude pas mon plaisir. Mais je sais bien. Bokassa, un groupe que j'aime fortement, sortira son second album, Crimson Riders, le 21 juin prochain. Et pour patienter jusqu'à cette date, qui correspond également avec l'un des jours du Hellfest, un clip a été tourné et rendu dispo la semaine dernière. Pardon, j'en avale ma langue. Avec le titre Captain Cold One. As-tu regardé ce titre? Enfin, ce vidéo clip. Ce vidéo YouTube. Clip. Ouais, je l'ai regardé. Alors disons que tu vois bien que les mecs sont plus ou moins à l'aise. C'est assez rigolo. C'est bien. Mais c'est pas mal, ouais. C'est sympa. L'idée est... Ça, je vais l'acheter, ça. Ah ouais? Le clip? Carrément. Cool. Je vais acheter les droits de... du clip. Et je me le passerai en boucle toute la journée. Je comprends. L'album, je vais acheter l'album. Bah, bien sûr. Parce que j'aime beaucoup Bokassa. Ouais, ouais, non, c'est sympa. Ça s'écoute bien, ça se regarde... Pareillement. Bien. Tout est beau. Ouais. News suivante. Nous en avons presque parlé une fois dans cette saison. Mm-hmm. Quand je dis presque, on était à ça, quoi. À vraiment, ça. Et puis, en fait... Il s'agit de l'autre groupe qui démarre en 2019 aux côtés de The Last Temptation. Je connais. Ou The Last Temptation. Je connais. Il s'agit aussi. Encore une fois d'un super groupe. C'est vrai. Ouais, avec un S sur la poitrine. Comme Superman. Pareillement. Voilà, je parle bien sûr de Deadland Ritual, un groupe qui comprend en son sein Geezer Butler, bassiste de Black Sabbath, Matt Sorum à la batterie et ex-Guns and Roses, Steve Stevens, guitare chez Billy Idol et Frankie Perez. Frankie Perez ou Frankie Perez. À la française. À la française. Voilà, au chant de chez Apocalyptica, quand il y a du chant. Mm-hmm. Et donc, en attendant un peu, être album un jour. T'as quand même du mal avec la lecture, hein, quand même. Et donc, en attendant un peu, être album un jour. Un peut-être album un jour. Non, mais il n'y a pas le tiré. Moi, si j'ai pas le tiré, je lis pas, moi. Enfin, je veux dire, tu vois. Ouais, je comprends. Il me faut le tiré. Il te faut le tiré. Il me le faut. Il te faut le tiré. Alors, vas-y. Tac, tac. Voilà. De et rien. Donc, en attendant, peut-être un jour un non, album. Non. Un peut-être album un jour. Ah, un peut-être album un jour. Je te mets le tiré, tu lis la phrase. Putain, dyslexique. Je suis désolé. Et donc, en attendant, un peut-être album un jour. Merci. Voilà, allez, on va y arriver. Hein. Et après un premier extrait avec la chanson Down in Flame, rien à voir avec les cheminées. Pas que je sache. Le groupe nous revient cette semaine avec Broken and Bruised. Tu peux me virer le... Excuse-moi. Merci, c'est gentil. Broken and Bruised. Podcast. Nouvel extrait de... fait de bouts de chandelle. C'est ça, on tire des ficelles, ah tels oui, des marionnettistes. C'est fou. Du groupe que vous pourrez retrouver... Pardon. Nouvel extrait de... Trois petits points. Du groupe que vous pouvez retrouver dès le 18 juin au Trianon à Paris. Et bien sûr, le samedi 22 juin au Hellfest. Open Air, un petit festoche du côté de Clisson, la Rock City, avec... Et je me rends compte que j'ai pas mis le lien, donc t'as pas écouté. Ah non, pas du tout. Attends. Non, alors, ça me dit rien, comme ça je réfléchis. Alors surtout, quand tu fais pipi, tu mets pas tes mains devant. D'accord, merci. C'est des conseils de la survie. T'aurais pas pu aller chercher toi-même. Non. Exact. Bah non, parce que j'attends que tu le fasses. Et ben je l'ai pas fait. Ben voilà. Et ben moi, c'est là qu'on voit que tu fais pas ton taf. Et moi ça m'agace, moi. Je comprends, excuse-moi, je suis désolé. Tu mets pas les tirés entre peu et être, je suis désolé, mais... Je suis désolé. Tu fais des fautes de syntaxe, des fautes de grammatical, pas possible. Comment tu veux que je bosse, moi, dans ces cas-là? Mais parce que des fois, je suis un peu surchargé. Ah là là. Je m'en sors pas, quoi. Il va se mettre à chier. Ouais, je peux pas. J'y arrive pas. Bref. Alors, je vais essayer de vous résumer un peu le titre. Vas-y, tiens, fais péter une élixir. Grosso merdo. Oh, elles sont belles, elles sont fraîches. Vous avez vu le. Vous avez. Enfin, Bob nous a expliqué un peu tous les membres qu'il y a dans le J'explique groupe. J'explique rien du tout, moi. Imaginez un groupe avec tous ses membres. Vous avez exactement musicalement ce que c'est. Vraiment. Oui, avec tous les anciens. Comme ça, je ne mouille pas trop. Guns N' Roses, Black Sabbath, Last Temptation. Non, non pas Last Temptation. Oh là là là là là là. Mais si, c'est au début, alors ça va. Tu sais, moi, je me contente, c'est mon cerveau, il fait pas, il fait pas le lien. Il fait les trois premiers mots. Oui, il fait le lien, mais un peu trop rapproché. Et du coup, bah voilà, ça va. Non, quoi. Mais c'est super. Moi, j'adore. Frank Carter, c'est ça. Pas du tout. Non, je suis sur autre chose. Non, mais c'est bon, allez, passons à la news suivante, c'est pas grave. Les gens vont se démerder. Bah, allez chercher, en même temps. Hey, hein, moi, on me le reproche. À eux, on leur dit rien. Ah, c'est facile parce qu'on est proches, on est là, on sort tous les deux dans la même pièce. Je me permets des choses. Bah, c'est vrai que je trouve que c'est un peu facile. Je suis désolé, je devrais pas. Je devrais pourtant. Monsieur va dire un peu, oui, je suis surchargé. Bah, t'as le temps pour aller te promener en trottinette à Roland Garros. Je l'ai pas fait. Alors, j'étais à pied, Roland. Et donc, t'as regardé quel match d'ailleurs ? Qui contre qui ? Alors, déjà, j'ai vu dès mon arrivée, je suis tombé sur Gaël Monfils qui faisait une espèce de pas de tennis. Hein. D'accord. C'était une espèce de pétanque avec des balles de tennis. Ok. Ça devait être une fin d'entraînement. Après, j'ai été voir le double de Wang, celui qui avait gagné la veille, un Français, avec un autre mec. Il était nul. Après, on a croisé Wawrinka, qui sortait d'un entraînement. Il était tout dégoulinant. Si, Wawrinka, il a fait 5 heures de match il y a 2 jours. Voilà, mais je connais pas. Mais putain, Wang, je connais Suisse, pas. Federer, Wawrinka, les deux Suisses. Bah, d'ailleurs, ils ont dû jouer hier, aujourd'hui, demain. Tu vois, et après on a été voir le match du Français Corentin Moquet Mouchet qui a duré 3 heures et qui était bien. 3 heures, sérieux? Ah, j'ai décroché moi. Après le premier set, j'étais... je revenais de temps en temps, j'applaudissais pas le bon, enfin je me faisais n'importe quoi. Mais, putain, j'espère qu'il y avait des papillons qui passaient de temps en temps parce que j'ai envie de chercher. Non, mais il y a beaucoup de gens dont je regardais les gens, je dis. Hey, j'étais après l'autre là, elle est sur son téléphone alors qu'il y a un match de tennis. Pff, alors j'étais sur mon téléphone. T'es genre j'allais le tweeter. Ah, j'ai vu ton c'est le... trois fois, oui, c'est ça. Trois le fois. Comment on appelle ça, la un story live. Instagram, c'est ouais, ça. Ouais, ma story Instagram. Voilà. Avec la question des fans de Road to Hellfest. Non, bah non. Apparemment personne. Voilà. Je vous remercie. Bande de nuls. Moi j'étais en galère de rien comprendre à ce qui se passait. T'imagines ouais, qui se lève. Ah moi. Jack! Ça aurait été énorme. Oui, un peu trop. Là, vous courriez, enfin, tu vois, tout ralenti, prendre dans les bras. Allez, news suivante. Allez. Vous vous souvenez quand nous disions que cette année, c'était sûrement la dernière fois pour les grands groupes à ne pas manquer au Hellfest? La vache, j'ai rien compris. Ok, je recommence. Je vais la faire à toi directement. Est-ce que tu te souviens quand on disait que cette année, c'était sûrement une des dernières fois qu'on pourrait voir certains grands groupes? Ouais, ah ouais, je m'en souviens. Ouais. Voilà. Épisode. Ouais, je m'en souviens pas. Et en fait, certaines choses n'acceptent juste pas de mourir. Voilà, c'est une référence pour les gens qui l'ont. Comme Manowar en est le. Pardon? Comme ma belle-mère, par exemple. François. Qui sera aussi au Hellfest pour ceux que non, ça. Non, pas celle-là. Ah! L'autre. Ah, d'accord. Ah, ben je la connais pas. Manowar en est le parfait exemple, mais je laisse Joey DiMaio en parler mieux que moi. J'écris un opéra rock depuis plusieurs années et j'ai dit en annonce que nous allions faire un break, que nous allions dire au revoir pour un petit moment. Tout a été repris et mal interprété et le titre de la tournée, The Final Battle, n'a pas atténué le tout. Mais la réponse est oui, nous allons faire une pause parce que je dois finir l'opéra qui est un projet très spécial. Mais non, nous ne prenons pas notre retraite, je suis trop jeune pour prendre ma retraite, je suis comme Peter Pan, un enfant dans un corps d'homme, dans ma tête j'ai l'impression d'avoir 15 ans. Et je pense qu'en une news, nous venons d'expliquer pourquoi tant d'années en slip. Le mec n'a juste pas encore grandi. Donc je tiens cette news de... Enfin, pas la tournure de la news, mais la news principale, je la tiens de Radio Métal. Je préfère les citer parce que j'ai quand même vraiment copié-collé le truc. Ah ben non, mais c'est bien de les citer. Voilà. Donc, voilà, ce n'est pas la fin pour Manowar, alors qu'on y croyait un peu tous. Personnellement, j'ai des échymoses, hein, tellement je m'en... Mais après, voilà. Non, mais parce qu'on avait dit sûrement la fin de ZZ Top, c'est la fin de Kiss. ZZ Top, non, on avait Kiss et Lynyrd Skynyrd. Mais non, mais ZZ Top, pas loin, quoi. C'est peut-être une des dernières fois où on les voit. Ah bah après, oui, parce qu'ils... C'est pour ça. Non, mais il y avait ça. Et que Manowar, normalement, on pensait que oui. Mais en fait, que c'était non. Pas prévu, ils n'avaient pas dit eux-mêmes que... Non, mais ça a été mal interprété, comme il a l'air de le dire. Ah, d'accord. Eh ben, merci de le préciser. C'est ça que tu disais, en fait. Ouais, cool. C'est ça. cool. Super. Bah écoute, passe à la news suivante. Moi je les connais, donc j'ai pas besoin de t'écouter. Ah ouais ? Pourquoi tu les connais ? C'est bizarre. Comment c'est possible ? Comment c'est possible ? Alors, tandis qu'une nouvelle vidéo in studio a été publiée par Machinehead pour le None But My Horn, et que plus j'en vois et plus bah, je m'en... Comme je viens de le dire, hein, je m'en bats les... Dave McLean, ancien batteur, explique que c'était une décision compliquée à prendre, mais qu'il ne croyait plus en ce qu'il faisait, en ce que faisait le groupe en lui-même, ne croyait plus dans la direction musicale empruntée par le groupe, et qu'il ne croyait plus aux chansons. Donc j'y croyais plus du tout. Non, vraiment, en fait, le mec a bien précisé et insisté. Hein. Qu'il avait du mal à formuler le fait de partir et d'arrêter, que c'était effrayant comme jamais, mais il a fait le choix d'être heureux, et c'est le cas aujourd'hui au sein de Sacred Reich, avec qui il a enregistré le nouvel album et que nous pourrons découvrir cet été. Alors, deux petites précisions. C'est encore une news que j'ai prise sur Radio Metal, et il n'a pas dit que le bonheur était d'être chez Sacred Reich. Il a juste dit qu'il a choisi d'être heureux. Ouais. Voilà. Et qu'aujourd'hui, il était content. Mais c'est et pas... que sa femme et son chien lui manquaient. Non, et que c'était aussi compliqué par rapport à eux de quitter Machinehead, parce que c'est quand même une revenu. Il faisait partie du groupe et que... Ouais, bah, ça fait un revenu aussi principal de voilà. Dire « j'arrête tout, chérie ». Je veux dire, il est... Je sais pas. Pour son chien, j'imagine que ça doit être dur. Quoi. Bah, tu sais, un chien, ça se vexe très facilement. Hein. Bah oui, mais savoir qu'il quitte Machinehead, bah, il n'a pas trop dû savoir comment lui expliquer, comment bah lui amener ça. Waf, waf, waf, waf, waf, waf. Bah ouais, c'est ça, tu vois. Voilà, donc, ah, Et puis là, tout de suite, dépression. Le drame. Voilà, c'est ça. Le drame, le drame, ouais. Le drame. Voilà, c'est tout pour la rubrique news. Je pense qu'elles sont plutôt... Elles sont plutôt bien, je trouve. Ouais, ah ouais, moi, je les trouve formidables. Bah, tout ça, merci, et, ça me fait plaisir. Franchement, je trouve que... C'est un podcast de qualité. De semaine en semaine, c'est, je veux dire, y a, ouais, c'est ça, il y a du niveau. Il y a du boulot. Et du coup, ouais, il y a du boulot. Ouais. Mm. Ouais. C'est pour ça que moi, je te laisse faire, parce que je trouve que tu démerdes tellement bien. T'aurais peur de gâcher. Bah, j'aurais peur de faire un peu, tu vois, un peu tâche, tu vois, de faire un peu le cheveu sur la soupe comme ça qui vient gêner. Mmh. Tu vois. C'est pas loin d'être la pire excuse que t'aies jamais trouvée, mais c'est gentil. Non, mais bon, je trouve que. C'est gentil. Je trouve que nous, chez Road to Hellfest, comme on aime à le dire, on aime les gens qui tentent des choses. C'est vrai. Et là, je tente des explications. Non, ou comme bidon. Tu sais si bien le dire, on se complète bien. Ouais, c'est ça. Mmh. Il y en a un qui bosse, l'autre qui fait rien. Viens, ça crée un équilibre. Un peu bancal. Bah pas forcément. Ah bah ça pourrait. En fin de saison. Regarde, imagine, comme ça, pam, là je me fâche. Je dis, oh tain, te fais chier. J'avais pensé à faire ça, un épisode où on s'engueule et tout. Et, ah ouais. Et tain, et je me fâche et tout. Même arrêter le truc, tu sais pas, toi tu vas fermer l'ordinateur. Je pense que c'est bon. Ouais mais du coup... Attends, je pense que c'est bon, il est publié. Ouais. Alors tu vois, mais du coup quoi, t'allais dire? Ah non, mais je trouve que voilà, c'est tu fais un boulot formidable au sein de. Alors je chiale, mais c'est la fatigue, hein, c'est pas l'émotion. Ou alors. C'est ça. Voilà, donc tu on va. Tu t'inquiètes peut-être pour l'avenir du podcast. Hein? Qui? J'ai dit, toi, tu t'inquiètes pour l'avenir du podcast peut-être. Oh là là. Alors, on va passer. Déjà, pour le passé, je m'inquiète. Hein. Pour l'avenir, t'imagines pas. Je m'inquiète déjà pour l'instant. Déjà, étape... pour la fin de l'épisode. Déjà, la fin de l'épisode. Après, il y a Hellfest dans 15 jours, 3 semaines. Au-delà, j'ai rien planifié, moi. T'as pas fait une liste? Pas là, non. Non. Ah, j'ai vu ma femme qui regardait Airbnb. J'ai dit, attends, on vient de rentrer. Qu'est-ce que tu veux louer? Calme-toi. Bah, je sais pas, j'ai envie d'aller en Jamaïque. Mais pas tout de suite. Bon, on va passer à la rubrique News Hellfest. Et attendez-vous à du lourd. Lourd. Une news a popé dans la journée. Hop. Je sais pas ce que je fais, mais je bouge autour du micro. Ah, ça peut faire peut-être un effet au cours autour de la table. Si jamais les gens qui écoutent trouvent que l'effet réussit, je pourrais le refaire. Parce que c'est pas très dur au niveau de la... Ouais, dites-le. C'est important, je pense, pour l'avenir du coup du podcast. Et, Je te laisse commencer. Et pour notre ego. News Hellfest. Après les photos de la semaine dernière, une nouvelle poignée de photos a surgi sur les réseaux. Et pour faire monter encore un petit peu la sauce, l'envie, l'impatience et le hype, comme dit si bien notre ami Jacques. C'est moi. Laughter Movie by Smooth Record. Hype. Je suis shocking. L'after movie by Smooth Records, avec un retour sur l'édition 2018 d'une durée de 7 minutes et 48 secondes, ce qui n'est pas la mer à boire, alors allez le regarder tout de suite. Vous aurez certainement, pour ceux qui ne connaissent pas le Hellfest, un petit aperçu de compte rendu, une bonne imprégnation. C'est ça, ouais. Toi, tu l'as vu, donc J'en ai vu une bonne partie, ouais. T'as bien aimé, t'as bien kiffé? Oh, bon, j'ai kiffé, après, c'est bien foutu. Ouais. Voilà. Est-ce que tu as trouvé que c'était représentatif du Hellfest? Oh, bah forcément non, c'est pas évident, franchement. Parce qu'il n'y a pas les odeurs? Non, ouais, il n'y a pas les odeurs, il n'y a pas, la chaleur, il n'y a pas le... T'as rien, en fait, de tout ce qui peut être sensoriel. Il n'y a pas le... Voilà, c'est ça. Tu ne peux pas toucher les gens. Je pense que, vraiment, pour savoir comment ça se passe au Hellfest... Faut aller au Hellfest. Le mieux, c'est... C'est pas faux. Faut aller au Hellfest. Faut vivre au moins minimum un Hellfest. Minimum deux Hellfest, je dirais même, pour pouvoir comparer. Tu vois. Ouais, mais dans ce cas-là, est-ce qu'il faut mieux deux... Alors, ça, c'est une question intéressante. Est-ce qu'il vaut mieux vivre deux Hellfest côte à côte ou deux Hellfest avec un peu de temps entre... Alors, il faut vivre deux Hellfest, le 2011 et le 2012. Ah, merde. Voilà. Aïe. Et là, du coup, c'est toujours pareil. Chaque année n'est jamais la même. 2007, ça a été un week-end pourri à chier. Bah oui, mais il a flotté tout le week-end. Ouais, mais par exemple, 2015, c'était hachement bien. Ah, c'était hachement bien. Tu te souviens, on était... 2018, c'était hachement bien aussi. Ouais, mais on était que tous les deux en 2015. C'était hachement bien. Elle écoute plus, de toute façon. Donc, d'ici qu'elle arrive à l'épisode 23, on est tranquille. Donc ouais, c'est vrai que c'était hachement bien. Mais 2018 était vachement bien aussi. Ah ouais, non, très très bien. Non, 2017, un petit peu ventre mou. Ouais, il y avait un petit ventre mou quand même en 2017. Ouais. Mais là, 2019, on est confiant. Je pars toujours, moi, sur le l'encéphalo zéro. Moi. Ah oui? Ouais, comme ça, au moins, je suis pas déçu. Ah ouais. Non, je comprends. Moi, j'avais tendance un peu à être en mode... Non, je suis pas hypé, moi, dans le, parce que tu sais pas. Le temps, par exemple. Oui. Ça, tu peux pas gérer le temps. C'est vrai. Donc, oui, mais des fois, rien que l'affiche ou des trucs... L'affiche, et... non, mais l'affiche, c'est comme tous les ans. Et du fait que Road to Hellfest... On découvre, oh là là, tu vois, vraiment des groupes, et c'est ça qui est génial, c'est que des groupes qu'on pensait, tu les vois sur l'affiche, tu les penses américains, anglais ou allemands, tu les vois français, tu dis putain, donc c'est des groupes que tu peux éventuellement revoir plus facilement. Plus facilement, rencontrer. Comme, Amsterdam Red Lake District. Mm-hmm. J'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps où on a été justement tagué sur cette vidéo, je sais pas si t'as vu. T'as pas vu ça? Ils sont passés à Cherbourg. Ah bon? Ouais. Ah merde! Mais en version acoustique, en préparation d'un festival, je sais pas trop bien. Putain, mais ils nous disent rien, les mecs. J'ai compris l'idée. Mais on était tagués, on était les seuls à être tagués d'ailleurs. Ah bon? Hashtag Road to Hellfest. Mais c'était où? J'ai mis un like, c'était je ne sais plus où. Il y avait aussi un rapport avec un truc sur les bars. Enfin, tu vois. Mais regarde, tu veux voir. Mais regarde où? Ben, on a été tagués, donc t'as forcément le lien, t'as forcément un truc. Mais sur quoi? Sur Facebook? J'ai pas du tout vu, moi. Sinon, j'aurais été voir. Ah, je comprends pas. Pourtant, c'est quand même ton podcast. Ouais. Alors, news suivante. C'était la dernière chose ou presque qu'on attendait venant du Hellfest. La dernière étant la bouffe, clairement. Pour toi, oui. Pour moi. Le merch de cette année, on détaille tout avec vous. Alors, on va... revenir classiquement, hein, comme tous les ans, il y a à peu près 6 modèles de t-shirts. Est-ce que tu en as repéré un? Ouais, il y en a un. Lequel? Alors, celui qui est noir. D'accord. Ah, il est bien celui-là. Alors, tu n'as pas les... Si, c'est bon, t'as le truc devant toi? Ouais, j'ai le truc devant moi. Alors, moi, bah, j'ai regardé un peu, j'ai hésité. En fait, ma première action, elle t'a fait « ouais ». Après, j'ai fait « oui ». Oh, je fais « oh, bien oui ». Oh, pilote, oh. D'un seul coup, pouf, ça, tu t'es retrouvé... moi je serais plutôt tenté par celui qui représente le crack de code là en haut à droite. Ouais, j'y ai pensé aussi. Moi je pense que je partirais un peu sur celui-là. Ouais. Donc à titre d'information, les t-shirts sont tous à 20 balles, qu'importe la taille, qu'importe le sexe. Qu'importe. C'est... Ouais. C'est 20 balles. Alors selon le modèle, c'est soit en débardeur, soit en t-shirt pour les femmes en tout cas. C'est en mode de débardeur. Non, il y a des débardeurs pour les hommes aussi. Ah bon, tu crois? Non, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a certains modèles. Ouais, peut-être. peut-être. Bon. En tout cas, voilà. 20 balles, donc 6 modèles. Donc, assez classique. On ne va pas vous détailler visuellement ce qu'il y a. Hein. Ça va être compliqué. Ça va être un peu compliqué. Bon, pour moi, ce sera le premier en haut à gauche ou alors celui qui est en dessous. Ah ouais ? Je ne sais pas s'il y a un rapport... avec, je sais pas, peut-être un côté Stranger Things, peut-être. Stranger Things ou peut-être Ready Player One, je sais ouais, pas. Ouais, un petit moi, ça me fait un peu penser à ça, ouais. Je suis pas trop fan du visuel, mais j'aime bien l'ambiance. Et du coup, je suis plus quand même ambiance en haut, hein, le 666, Route 666. Ouais, non, moi, clairement, ça sera plutôt le escape de code. J'aime bien l'espèce de crâne mexicain avec les mains, j'aime bien, mais ça me va pas. Le truc Hellfest un peu avec la mort et sa faucheuse, je le trouve un peu... Alors ça, c'est clairement, moi, ce que j'ai pensé tout de suite, c'est crossover trash. Ouais. Ouais, dans l'esprit. Moi, ça m'a fait penser à Sick of It All. Mais, Ouais, c'est ça, ouais. Et donc, et le dernier en bas, autant je le trouve stylé, autant je me vois pas avec un t-shirt comme alors, ça. Alors, Parcimony m'a dit c'est plus féminin. Oui, c'est pour ça, je trouve, je me vois pas avec ce t-shirt-là, ouais. Je trouve. Ma fille veut que je lui ramène celui-là. Ah bah tu vois comme quoi. Et ta fille, elle est du elle côté plus féminine. Hein, ouais. Ouais, elle est plus féminine. Genre. Ouais, comme quoi. Page suivante, on passe donc à un polo de Marcel débardeur. Pourquoi un polo? Un débardeur ou Marcel avec le fameux logo qu'on pouvait retrouver de la tête de mort. Qu'on 2015 Non. Non, 16. Ouais, 2016. Le sweat Escape the Code qui est très joli également avec sa capuche. Ah, je le prendrais plus en sweat moi. Bah du coup, maintenant que je le revois là, effectivement. La veste à patch, on peut dire ça. 45 boules quand même le sweat. Hein. Oui, toujours. C'est là que ça pique le. C'est là que ça bras. Pique un peu. Alors que le Marcel, lui, est également à. C'est le combien le Marcel Marcellus. Attends, je suis perdu. Est-ce que tu as le... Attends, faudrait... En fait, c'est ça qu'il faudrait que j'ouvre. Hop, excusez-moi, c'est la technique. Hein. Tes chakras. Hop, faut que j'ouvre ça et que je fais les autres en aperçu. Voilà, hop. Donc, le. Le Hit Man, Hit Woman, Hit aussi à 20 balles, hein, pas de problème. Le Sweat, forcément, à 45. La veste à patch. La chemise à patch. La chemise à patch en jeans. 60 boules. 60 boules. Ça pique. Celle-là, moi, elle me tombe bien, mais. Est-ce que t'en mettrais d'autres dessus? Des patchs? Ouais. Non, pas forcément. Mais j'aime bien ce côté-là, quoi. C'est le côté. Les autres gilets, vestes zippées. Bah, doivent être au même prix. Hein, 45 boules. 45 boules, ouais. Ouais. Mais ils sont moins... Enfin, non, ouais, c'est peut-être le escape de code le mieux, ouais. Il est... Oh, si, celle de gauche, à la rigueur. En bah, bas à gauche. Reprend le en haut à gauche. Ouais. Elle reprend le premier t-shirt, mais... Ouais, bah en bas à gauche, du coup. En ah. Haut à gauche. Oui, elle reprend le t-shirt qui est en haut à ouais, gauche, mais du coup... Ouais, mais à la limite, je trouve que ça fait plus stylé sur le... Enfin, sur le t-shirt. Ouais. On passe suivante. Nous commençons à arriver sur les trucs un petit peu différents. Alors, nous avons la robe. Ah, je me suis tâté un peu, moi. Pour la robe ? Ouais. Il n'y a pas ma taille, j'ai regardé. Mm. Le baggy. En fait, je... Il a l'air sympa. Il a l'air sympa, à 40 euros. Le petit polo, à 25 balles. Alors, comme dirait ma femme, ouais, mais ça, on dirait y aurait les mêmes à Roland-Garros. Alors, il y avait déjà les mêmes l'année dernière. Donc... Ouais, enfin, 70 balles chez Roland-Garros, hein. Oui, puis c'est pas tout à fait le même logo. Ils sont blancs. En blanc. Sinon, je sais pas si t'avais vu, parce que c'est Julien, notre ami, qui m'a montré les modèles bébés qui reprennent Disney. J'avais pas fait gaffe, moi, au début. Mais si, j'ai vu. Je me suis dit, c'est de l'autodérision totale et j'ai trouvé ça génial. Voilà, quoi. Et pareil, Julien a fait la même remarque. C'est vrai que c'est très, très, très, très drôle. Du coup, le petit Disneyland, machin. Le fameux doudou. Une autre veste sweet, un peu... Par contre, est-ce qu'on a le nom du doudou? Parce qu'ils ont des noms, normalement, tous les ans. Alors, je sais que j'ai les deux premiers pour mes deux petits gars. Mais... Doudou Plush Toy. C'est pas vraiment. C'est nul comme nom. C'est peut-être pas son nom. Hein. Bah... T'avais pris les deux premiers, toi? Ouais, le violet et le. Il y en a un, Elvis, je crois. Il y en a un, c'était moi, je crois, qui l'avait offert à Arthur. Donc le deuxième, donc c'est Elvis, le Bordeaux. Et donc il y a le peignoir hein, qui est à 70 boules. Il y a les suites enfants aussi. Je sais pas si tu l'as dit. Ah, oui, c'est des suites enfants, les 27, ouais. Là ouais. Ah, j'avais pas fait gaffe. Oui, effectivement, enfin, les vestes suites gilets, là. Ouais. Les suites, ouais. Ah, ouais. Donc, le peignoir, ça sera non. Pas du tout. J'en mets pas, donc moi, je me... Plus à poil, moi. Ouais. C'est plus sympa. Les deux casquettes. Bah, Army. Par contre, c'est pas une trucker, cette année. C'est pas une trucker, effectivement. Alors je sais pas si. Bah derrière... si, c'est marqué Trucker. Army. Bah, j'ai pas l'impression. On dirait qu'il y a du tissu partout. Bah écoute. Ça a pas l'air d'être alvéolé. C'est marqué Trucker. En tout cas. Bon, bah, écoute, si c'est une Trucker, je suis preneur. Je sais pas, moi. Je suis pas. Je suis 15 balles. Ouais, bon, c'est pas très. Très dire, je conduis des camions, donc du coup. Oui, c'est cohérent. Bah ouais. Les fameux foulards. Ou, pardon ? Bandana. Les bandanas, c'est le mot que je cherchais à travers le mot foulard. Qui sont plutôt jolis. Moi, j'ai pas trop l'utilité des bandanas, mais ils sont plutôt jolis. Bah, j'en ai un. Donc, une ceinture, ça peut être pratique. Une ceinture. Pour te ceinturer. Exactement. La ceinture qui est à 15 balles. Hein ? Ça va. Ouais. Alors que la boucle de ceinture, qui est très sympa. Que je vais me prendre. C'est sûr ? Ah, c'est sûr. Elle est un peu plus chère, 20 elle balles. 20 boules. C'est un peu plus cher. Les lunettes de soleil, un classique, indémodable. Bien sûr. 10 balles, correct. Le chapeau, que tu as une édition et qui n'est pas très bien, c'est ça ? Oui, alors, ah. Je mets en garde. Il met en j'espère garde. Que, attention, que j'espère. Vas-y, non, de gueule, hein. Oui, non, mais tu peux, vas-y, je t'en prie. Le patch qui est sur le chapeau, moi, c'est décollé le jour même. Oh. Mais donc c'est on l'a plus... gardé, c'est pas le problème, on l'a mis ailleurs, mais il reste un point de colle sur le chapeau. Aïe. Et du coup, pas beau. Non, alors petite... il taille grand. Oui, d'accord. Autour de tête, il taille très grand. Parce que moi qui fais un 54, je crois, un truc comme ça, c'est pas énorme, mais... Tu connais ton tour de tête ? Ouais, bah oui, j'ai porté des chapeaux, je me suis mesuré le tour de tête. Ok. Voilà. J'ai mis des chapeaux à fleurs. Non, mais on en apprend tous les jours sur ses proches. C'est... Est-ce qu'on est proches ? Ça peut nous arriver. Oui, c'est vrai qu'on on se dit bonjour. Donc on est assez proches. On est assez proches. Du coup, à ça noter, me perturbe tout ça. Ouh, pour, aller dans pour aller dans le sens de ce que tu dis, qu'ils ont bien précisé dans leur poste qu'ils avaient revu la qualité des shirts en changeant de fournisseur, je crois. Ouais. Donc, voilà, non, mais là, c'est juste une question vraiment que le... Après, je sais pas les autres éditions. Voilà, c'est pour ça j'allais dire peut-être que c'est pas lié à ça, mais je voulais moi, revenir là-dessus en disant que les t-shirts. J'avais le patch rond avec, je crois que donc, ça devait être 2016 de mémoire. Uh-huh. 2016, vraiment avec le patch rond, la tête de mort. Ouais. C'était blanc. Ah, je pensais que c'était blanc-gris. Plus vieux ton achat, moi. Mais... Tu vois 2016, 2018. Non, mais peut-être. Ou 2014, peut-être. Non, 2014, exact. Excusez-moi, je pensais que. Non, mais je crois que je vais te taper. Une serviette à 30 balles. Elle est plutôt sympa, mais j'ai déjà des serviettes. Je crois qu'elle est assez grande. Donc du coup, elle est. Je trouve que ça va niveau oui, prix. On passe à la page correct. Suivante avec les fameux bracelets en plastique qui sont super stylés, mais qui tiennent pas. On avait demandé. Hein. Il y a eu plusieurs posts comme ça que j'ai vu. S'il vous plaît, pas les bracelets en plastique qui coûtent 3 balles, c'est ça ? Ouais, un truc comme ça. Et qui pètent au bout de 3 minutes. Hein. Et c'est dommage hein, parce qu'ils sont vraiment stylés. Hein, mais... Ils sont sympas, mais ils sont durs à enfiler et du coup, ils pètent assez facilement. Des mugs, hein, donc 3 modèles de mugs. Non, un, je crois. Ah, deux, pardon. Oui, excusez-moi, oui, deux parce que comme il y a 3 visuels, bêtement, alors que j'aime beaucoup le 39, moi. Le... Il y a plus de visuels. Ouais. Toi, t'aimes bien quand c'est plus. Moi, j'aime bien, ouais. 8 euros, y a moyen de moyenner. Ouais. L'affiche, hein, 41, un drapeau, pardon. Excusez-moi, un poster, drapeau. Comme celui-là. Ouais, bah, je commanderai au merch l'année prochaine pour l'avoir en cadeau. 42-43, nous sommes face à 3 patchs. Le classique, sympa, efficace, rien d'exceptionnel. Un porte-clés, pareil, très sympa. Un magnète en 47, que pour le coup, oui. C'est des petits prix après tout ça. Hein. Je crois on est 3 patch, balles, 3 balles. 3... voilà, les patchs, c'est 3 balles chaque patch. Le drapeau. Il y a moyen de se faire plaisir, voilà. Pas cher. Tu prends un budget de 10 balles pour te faire plaisir. Tu peux avoir un patch, un autocollant. Parce qu'il y a aussi donc, des autocollants. Donc si tu as les 3 badges à 2 euros et 5 stickers à 10 euros. Voilà. Donc tu peux te faire plaisir. Tu as aussi le livre en français du Hellfest, un pèlerinage pour mettre à l'aide, hein, de Corentin Charbonnier, dont on a déjà parlé, mais qu'on n'a pas. D'ailleurs, au passage, Corentin, je vais te taguer. On aimerait bien avoir, je sais pas si t'as ton avis sur la culture des betteraves. Et accessoirement, peut-être un modèle pour en parler dans le podcast, pour le définir carrément. Oui, oui, oui, c'est intéressant de se définir. Donc, bah, ça se présente sous une forme de livre. T'es ambitieux, ça. Bah, il a 17 balles. On pourrait presque se le prendre. Pour Corentin, on discute. Prix d'amis. Combien, tu dis? Annonce tout de suite. Je sais pas. Qu'il sache quand même, parce que bon, non, mais écoute, qu'il se fasse pas chier pour rien. Quoi. Écoute, on se propose de faire la promotion de ton livre. Bon, on a répondu à ton questionnaire déjà. Oui. Hein? Bon, on en discute. Hein? Et là, pour moi, t'as un petit peu. T'as pas les coronets. Quoi? Ah si, je te dis, envoie-nous un modèle. Un modèle. Bah, enfin, mais non. Genre, il a peut-être une version PDF du truc qui est gratuite et qui, voilà, moi, je vais pas faire le rachat qui file nous directement un bouquin. Sinon, on te file la boîte postale de Road to Hellfest et tu nous envoies. C'est drôle. Et donc, que la boîte postale. De Road to Donc, et moi là où le bas blesse, qui, ça a beau être une marque, ça a beau être quelque chose de stylé, ça, j'ai beau avoir joué avec ça pendant des années dans ma jeunesse. Putain, il est très joli, il est très beau, mais un briquet Zippo à 45 balles. Pff. Hein ? Ah ouais, le Zippo. Non, mais c'est un vrai Zippo. Oui, je sais, bah oui, non, mais puis il a l'air d'être très beau. Mais... Non, mais les vrais Zippo, c'est quasiment le même prix. Je suis d'accord, mais ça fait toujours. Ah bah ça fait mal. Sachant que je ne fume pas, que je ne veux pas trop l'utilité, mais il est très beau. Je serais resté fumeur. Donc voilà, encore une fois, je ne sais pas pour. Alors, pour moi, je ne suis pas déçu de ce qu'il propose. Comme chaque année. Voilà, donc c'est assez cohérent. Je vais sûrement m'en tirer encore pour une centaine d'euros. Moi, ce que je trouve bien, c'est qu'il n'y a pas plus de choses, en fait. Non, c'est bien, il ne faut pas plus. Il ne faut vraiment pas plus. Vraiment, ils sont, ils sont cohérents dans ce qu'ils font chaque année. Ouais, coup, il n'y a pas plus pour les rageux qui vont dire « Ah, il y a encore ça en plus » pour dire « Ah, on va faire plus de pognon. » Ah non, c'est bien. Il y a exactement ce qu'il faut et à peu près pour tout le monde. Ouais, c'est très très bien. Ni trop, ni pas assez. Ouais, je suis plutôt satisfait de ce merch et je vais aller vous donner mon argent. Hellfest, take my money. Take my money. voilà. Voilà. Une autre news, je t'en prie. Une autre news. Et file-moi une bière. Ouais, tu veux quoi? Derrière toi, elle est bonne. Ah ouais. Sinon, t'as. Elle est pas bonne? Ah si. Bah non, elle est plus... Que la dernière fois? Ah ouais, je sais pas. Elle a un truc plus... Ouais, qui passe moins? Pas moins... Non? Je la trouve lourde. Ouais. Tu as de goût. Celle-là est fraîche, tu vois. Là. Ouais, je suis d'accord. Ah, mais là, non, mais écoute, j'ai merdé, mais je l'ai senti. Hein, quand j'ai fauté. Je... D'abord, en même temps, tu dis que je suis sponsorisé par Bob, mais aussi par Jack. Un peu, oui, mais bon, c'est pas... Mais bon, tu vas pas t'en vanter. Une chose, donc c'est ça, hein, c'est ça, hein. Une chose par contre que nous n'attendions pas, et c'est une news qui popait dans l'après-midi, qui est popée. Tu veux que le lien que j'ai filé n'est pas bon, je vais te lire directement ce que... Ouais, alors ça, est-ce que tu veux d'abord en parler et après je vais plus loin? Ouais, bah je vais faire un petit raccourci, ouais, hein, vite fait. Tout simplement, ce qui a popé cet après-midi, c'est la revente de nouveaux passes 3 jours. Ouais. Voilà. Officiel par le Hellfest. Voilà, un vrai poste, hein, du vrai Hellfest. Hein. Voilà. Et pas du faux. Donc, revente samedi. Oui. À partir de ce samedi, 8 juin. Voilà, 8 à juin. À 13h. 13h pétante. Donc, un certain nombre. Là, ils ne précisent pas. Ils parlent en centaines, quand même. Ils parlent en centaines. Donc, ce n'est pas une volonté du Hellfest d'augmenter la capacité. Voilà, c'est pas du tout juste ça. Les désistements. De gens qui ont pris une assurance. Les annulations. Voilà. Des assurances annulation, voilà. Des passes 3 jours. Comme quoi ça peut servir. Moi, j'ai tendance à jamais la prendre. Effectivement. Et donc là, en fait, il se retrouve qu'il y a beaucoup de gens, mais en même temps, c'est ce qu'on dit tous les ans, il y a toujours des gens qui revendent leur passe. Oui, non, mais c'est pour ça, je comprends pas que les gens n'attendent pas un peu, parce que ça s'est pas fait l'année dernière, il n'y a pas eu de revente. Non. Ça s'est fait l'année d'avant, par contre, mm-hmm. Mais là, je crois que c'était plus une volonté de contre-attaquer la vente frauduleuse, on va dire. Ouais, bah, comme là aussi, hein, c'est pour ça qu'ils en parlent aussi, hein, ça permet de... Bah, ça aide, hein, c'est vraiment... Bah oui, il n'y a pas d'embrouille, le prix, ça sera le même, c'est juste que comme il y a beaucoup de monde qui vient, forcément, tout le monde ne peut pas venir, il y a énormément de gens qui préfèrent prendre leur billet et voir sur le moment venu s'ils y vont ou pas. Il se trouve que bah, des fois tu peux, des fois tu peux pas. Et que bah, voilà, de manière, on le voit tous les jours en ce moment sur Facebook ou les différents groupes, il y a toujours des gens qui revendent des passes. C'est ça. Ouais. Et c'est dommage pour ceux qui revendent s'ils peuvent pas venir, mais c'est tant mieux pour les autres. Et plutôt que de se faire avoir à payer des billets trop chers ou beaucoup d'arnaqueurs, samedi, on va partir sur une centaine de personnes pourront avoir un pass 3 jours officiel. Ouais, on n'a pas de chiffre exact, mais... Non. Mais c'est toujours une très bonne nouvelle et ça va faire, je pense, un bon nombre d'heureux. Avec, préciser bien, c'est 2 passes par adresse mail. Voilà, pas plus. Donc c'est... Donc c'est toujours pareil, hein. C'est facile de... De tricher un peu, mais... Plus, Oui, mais après, faut... Enfin, voilà. C'est quand même toujours plus cool. Parce qu'en plus, c'est bien précisé que c'est comme la date limite des demandes d'annulation étant atteinte. Qu'il y a donc une date limite. Oui, elle a été atteinte, ouais. Donc voilà, donc c'est plutôt une nouvelle qui tombe bien pour les gens qui n'ont pas eu leur passe. Voilà, et c'est surtout que c'est samedi, donc là, plus personne pourra dire « oui, mais moi je travaille, machin ». Exactement. Enfin, si, il y a forcément oui, des gens non, qui mais travaillent là, samedi, vraiment. Mais il y a moyen de s'arranger ouais. via un ami, via un conjoint. Ou, voilà, là, samedi à 13h, voilà, donc c'est comme ils le disent, hein, pour faciliter au maximum, il y a l'adresse où ça va être mis en vente, tout ça. Donc... Encore une fois, cette année, on le reconnaît vraiment, la communication du Hellfest est très, très, très bonne. Ouais. C'est vraiment agréable parce qu'on ne se sent pas du tout... L'année dernière, on avait nous ce sentiment-là de voir des trucs qui arrivaient comme ça sans qu'on comprenne trop pourquoi. Ouais. Et là, cette année, vraiment, je trouve que c'est pile poil. Mais après, c'est toujours comme tout le monde, on apprend de ses erreurs. Et puis, ouais, non, non, mais on ne fait pas les mêmes choses. Non, mais c'est ça... Enfin, je trouve qu'il y a vraiment une cohérence et un retour au un festival métal de passionnés pour les passionnés, tu vois. Je trouve qu'on est... C'est vrai qu'on y attend depuis 2 ans, là. Ouais, il y a un lien qui... Bon, la com' l'année dernière, mais je pense qu'au niveau des groupes et tout ça, ça commence à revenir un peu. C'est un petit peu moins mainstream, comment on va dire, et un peu moins pour les touristes. Ouais. Voilà. Donc, je pense qu'ils refont un petit peu... Ils essayent de revenir un petit peu à l'ancienne et de faire tout en étant moderne. Et, enfin, j'aime bien ce côté un peu en liant les deux. Et, je trouve que là, ouais, ils commencent à faire des bons trucs. Hein. Ouais, non, là c'est vraiment. Ils recommencent. Non, enfin voilà, c'est pas non plus. Mais c'est vraiment cette année, c'est vraiment agréable de suivre tout ce qui se passe. Ouais. Donc, il y a vraiment un truc que nous, en tout cas, on. De notre œil de professionnel. Mais je crois que justement, c'est pas Alex qui nous disait ça, qu'ils avaient un problème justement à cause de ça. C'est que lui, déjà, d'une, était accaparé par plusieurs postes au sein de l'équipe. Oui, qu'il n'allait pas forcément pouvoir toujours tout gérer pareil. Et que là, du coup, cette année, lui, il est vraiment sur un poste bien précis et que du coup, c'est plus facile de communiquer via les réseaux sociaux et tout team. Ouais, non, oui, c'est ça. D'ailleurs, Alex, voilà. Qu'on espère recroiser et avec qui boire des bières. Oh, plein. S'il lui en reste, hein, d'ailleurs. On pourra faire le bilan. Je crois pas, non. Je pense qu'à mon avis, on fera le bilan certainement de ce qu'on a mangé. Ok. ok. D'ailleurs, fais-moi penser après le podcast que je te redemande sur le truc du culte en octobre. D'accord. Parce que tu avais dit. J'ai pas compris, mais d'accord. Non, c'est que tu me fasses penser à ça. Oui, ok, d'accord. Donc, après avoir parlé de l'arrivée sur le Fest, de tout ci, tout ça, de ce qu'on a dit, on va continuer notre avancée sur le site en lui-même. Après avoir parlé de Altar et de Temple, de s'être déchaîné l'un et l'autre sur. Ah, mais c'est Akeva. C'est déchiré. Mais on s'est déchiré. On s'est déchiré. On a failli tout plaquer. À la fin du podcast, c'était. Mais t'es vraiment qu'un con. Mais tu comprends même pas de quoi tu parles. Et encore, t'es soft. Ouais, c'est vrai, je suis toujours soft. Donc cette semaine, on va passer autour de la Warzone et de la Vallée. Deux scènes assez éloignées géographiquement et qui pourtant ont failli se retrouver tellement plus proches. Oh. Raconte-nous l'histoire. Dans les contrées lointaines, non loin d'un petit pays nommé Clisson, la Rock City, comme on aime à l'appeler chez Road to Hellfest, apparemment. C'est nouveau. Donc non, oui, alors, il y a eu des oui-dire cette année, comme quoi, là, et c'était fondé, et oui, presque on avait presque On était presque dans le vrai, on va dire. C'est vrai. Comme quoi, là, Valet allait déménager non loin de la Warzone. Mm-hmm. Voilà, pour laisser place au merch, pour faire un système plus fluide et tout ça. Exactement. Merch, tout ça. Bon, cette année... Je t'arrête, parce qu'on a oublié un truc essentiel. Et je m'en excuse. Oh là là, mais nous sommes nuls. Tu es nul. Je t'emmerde. Et voilà, je vais devoir et cocher. Et je t'aime. Et je vais devoir cocher explicite avant de publier le podcast. Bah oui. Non, je le coche jamais. J'attends qu'on soit signalé. Ça, c'est bien. Ça, c'est punk. J'aime bien. Très important, le merch ouvre dès jeudi. Oh, oh là là. Ah, la oh boulette là là. La boulette. Oh là là. Heureusement que je suis là. Hein. Oh là là là là là là. Tu vois, heureusement, tu vois. Ouais, tu t'es, à l'ouverture du Knot Fest, il y aura l'ouverture du merch. Ça peut changer toute la donne. Fini les vendredis matins dès 10h. Là, ça sera le jeudi dès 17h. Voilà. Alors, toi qui gagneras le pass Knot Fest, réjouis-toi, tu pourras acheter ton t-shirt avant tout le monde. Avant tout le monde, pendant la marrante. Tu penses à ça ? Est-ce que tu y penses ? Tu vois ? Donc, bon, si tu écoutes et que là, tu es en train de dire, écris vite à MP à Bob. J'y t'aime. Alors, pas de photos de femmes nues, pas de photos de Sgeg, s'il ça... vous plaît. Ah, bah, moi, je prends les photos de femmes nues. Hein. Perso, donc... Bon, bah, je les prends, je les regarde et je les passe à Jack après. Voilà. Parce que je suis un amateur de photos, donc moi, là où il y a de la dignité, je vois de l'art. Voilà. Ou des trucs dégueulasses. Ça, peut... ça dépend, ça dépend. C'est toujours pareil. Donc, en tout cas, ouais, fait très important, dès le jeudi, dès l'ouverture du Knot Fest, voilà, le merch ouvrira. Ce qui, pour le coup, là, est un peu bâtard, mais... Alors, je trouve pas, forcément... Bah, parce qu'ils ont prévu, ils ont dit justement qu'il y aurait pour tout le monde. Qu'ils ont prévu justement t-shirt, machin, truc, la quantité max, et que même s'il n'y avait pas sur le site en lui-même, Tu pourras commander derrière, et qu'il y en aura de refait. Très bien. Donc alors, voilà, je ce retire. Qui devrait rassurer. Je retire. Mais c'était pas le but de te, de te faire du non, mal. Non, mais tu as, écoute, quand on a un préavis et qu'on vient se faire quémander, c'est bien de pouvoir retirer. Ils l'ont dit. Après, voilà. Très bien. Moi, j'ai lu ça. Donc, maintenant... Rewind. Alors, cette vallée, elle arrive du côté de la Warzone ? Eh bien, figure-toi que non. Oh, flirt. Il n'y a rien de fait pour l'instant. C'est un projet qui reste en suspens. Ah. Qui n'est pas officialisé. D'accord. Voilà. Donc peut-on... Alors, moi, la question que je me demande, c'est où viendrait-elle bien ? Qu'elle viendrait bien-t-elle se mettre où ? Eh bien, moi, alors, attends, déjà. Par rapport à la Warzone. Il faudrait que tu situes pour les gens comment c'est-il que ça se passe quand on arrive après la cathédrale ? Si on veut aller à la vallée. Tu pénètres en. De ça. De ça. Dessous. La cathédrale. Ensuite, tu arrives sur le site Hellfest. Et là, tu fais. Tu te vois. Ouais, toi qui ne connais pas. Celui qui connaît, il voit tout de suite. Ouais. Il voit que à sa droite, tout de suite, bien en retrait, hein, il y a la vallée. D'accord. Qui est une tente similaire à Altar et Temple. Complètement. Tout à fait. Qui est une tente couverte. Couverte. Hein, voilà. Ce n'est pas une scène à découvert. Ce qui permet donc, comme Altar et Temple, on l'a dit la semaine dernière, de créer des ambiances particulières. Voilà. Tout à fait. Sachant que sous la vallée, quels sont les groupes qui viennent y jouer ? En général, et je dis en général, moi j'ai connu la vallée qui était à la base la Terrorizer Tente de mémoire, ou la Rocarde, je ne sais plus. Écoute, là, je ne peux pas te dire, là, c'est toi qui parles de mémoire. Attends. Je ne vais pas m'en rappeler. Enfin, c'était une des deux, Rocarde ou Terrorizer. Je crois que c'était la Rocarde. Enfin, voilà, je ne sais plus. D'accord. L'une des deux. Qui est passée vallée en 2012. Voilà. Donc, sous la vallée, généralement, on trouve. De la drogue. De la drogue. De la pisse. De la bière. Non, je déconne. On y trouvait de la pisse, plus maintenant, ce qui est formidable. Et ça, je dois dire qu'ils ont fait un putain de taf, parce que quand on a connu la vallée ou la fameuse Terrorizer ou Rocard, je ne sais plus, on a connu ces bâches. C'était vraiment la Rocard, je ne sais plus le nom que c'est... Ouais, c'est ça, la Rocard, je ne sais plus. Oh, d'accord. Avec petit frottement de moustache. Merde. Ou sinon, s'il n'y a pas le frottement de moustache, ça compte pas. Tu te repères pas. D'accord. Et du coup, tu sais plus. Ok. Voilà. Parce que oui, on porte la moustache. Oui, on porte la moustache. C'est vrai comme qu'on a dit qu'on se dévoilerait un peu plus. Ah, on porte des enfants aussi. Parce que j'entends des enfants. Ah moi. Oui, on porte fermé à clé aussi. Et on peut aussi éventuellement porte ouvrir à clé si on se déplace. Donc, la vallée. Donc, la vallée, qui est en entrant tout de suite à droite. Ouais. Voilà. En, légèrement en retrait. En retrait, ouais. Voilà. On y trouve Stoner, oui. Doom, ouais. Sludge. Oui. Donc, maintenant, on peut y trouver. Alors, si, il y a eu Bad Brain qui est passé, donc. Qui est plus un punk. Ouais, enfin, ce temps-là, il y a aussi Tremonti qui est passé une fois. Ça, c'est plus des aléas du business. Et il y a eu aussi, l'année dernière, en version acoustique, Baroness. Voilà. Qui... Donc, voilà. On trouve maintenant beaucoup de choses. Il y a eu aussi Aurore qui est passé l'année dernière. Voilà, mais ça, c'est pareil. Qui est un hip-hop plus hardcore. On va dire que principalement, c'est le Doom Sludge Stoner. Voilà, principalement. Avec aussi du psyché. Et du psyché, beaucoup. Voilà, voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, c'est la scène un peu pour les planants. Littéralement, oui. Voilà, vrai, complètement. Donc, ne vous prenez pas la tête à préparer des trucs pour planer. Venez écouter un concert, l'effet sera le même. On parle en toute connaissance de cause. Peux-tu maintenant nous parler de la Warzone ou, comme j'aime à l'appeler, la zone de guerre hashtag bagarre. J'allais le dire. La Warzone, qu'est-ce qu'on y trouve sur la Warzone, mis à part des honneurs? Déjà, on peut quand même dire que c'est la scène qui a été dernièrement le plus transformée, améliorée, aménagée. Je dirais à partir de quelle année? 2015. Après 2015, 2016. 2016, on a vraiment vu une transformation de la Warzone. Alors attends, si je dis pas. Eh bah si, parce que ta première année c'était 2015. Ouais. Ouais, donc deuxième année. Parce que 2015, je me rappelle que la scène était tout de suite exact, en entrant exact, à droite. Exact, exact, exact. C'est vrai. Et on avait vu Rise of the North Star. Exact. Qui était à droite. Madsine aussi. Et on n'avait pas vu... Ah bon? Oui, il y avait Madsine. Ah, on a vu Madsine, mais sur le côté, et t'avais rien vu, on n'avait rien vu, parce que on ne pouvait pas voir, en fait, il y avait trop de monde. Et on n'a pas pu voir Body Count non plus. Et on n'a pas pu voir Body Count. Voilà. De mémoire. Donc donc, sur la fameuse Warzone, on peut y trouver du hardcore. Mm-hmm. Du punk, mm-hmm. un peu de ska. Un peu de ska, oui. Du punk hardcore. Mm-hmm. Des Ramoneurs de Menhir. Des Ramoneurs de Menhir. Des Tagada Jones. Des Tagada Jones. Des Dillinger Escape Plane. Aussi. Des Rancid. Pff, des Enragés. Des Balles des Enragés. Oui. Encore plein de choses. Frank Carter. Des Frank Carter et les Rattlesnakes. Et des Rattlesnakes. Voilà. Sur qui on fait des circle pits tout mais autour oui, de l'ingé son. Mais grave. Voilà. Et le mec qui marche sur les gens. Ça, ça c'est s'en fout. Une de nos scènes préférées avec la vallée, hein, qui sont deux scènes très, très complémentaires dans le. En fait, on va dire que par rapport à Altar et Temple, là où on avait beaucoup de difficultés, c'est que c'est déjà moins notre cam musicalement. Donc, c'est des scènes que Bob a évité pendant de nombreuses années. Commence à peine à y involontairement de ma personne. Oui, non, mais que tu commences à peine à y mettre le pied, à découvrir, à faire tiens, c'est ça joli. Ça va faire deux ans, ouais, que je commence à vraiment. Alors que la vallée était déjà une de tes scènes. C'était ma scène, ouais. Voilà. Et la Warzone, qui est tellement agréable de par sa conception et son aménagement. Son nouvel aménagement. Oui, son nouvel aménagement fait que c'est vraiment un lieu à part entière parce que en plus. Face à la scène, donc il y a tout le décorum avec des containers montés les uns sur les autres, des flammes le soir en veux-tu en voilà. Les estrades aussi. Les estrades et surtout par derrière, il y a une espèce de mini rue de la bouffe ou la continuité de la rue de la bouffe qui fait qu'on peut totalement y passer un fort bon moment. Qui nous permet de descendre à la fraîche zone. Oui. Qui mène au bois. Kingdom of Muscadet. Voilà. Donc voilà, donc deux scènes fort importantes bah, pour nous, parce que c'est vraiment que c'est fait partie des scènes où on va beaucoup. Alors, c'est nos deux scènes. Voilà, la différence principale étant que comme la vallée est couverte, elle permet à n'importe quel moment de la journée d'avoir une ambiance visuelle et avec des lights vraiment. Les jeux de lumière sont plus faciles ouais. et agréables pour les photographes. Toujours. Et la Warzone, bah, pour vraiment en prendre plein la gueule tout le temps. Donc, on a plus l'habitude de ces deux scènes-là. Qui va être pavée. Qui va être pavée. Du coup, la poussière ne sera plus. Un problème. Est-ce qu'elle était déjà pavée l'année dernière? Je ne sais plus. Non, c'était seulement les main stage. C'est vraiment cette année. Hein. Ouais, donc, cette année, elle sera pavée. Ouais. Donc, gare au slam. Hein. Toujours un petit peu dangereux. Voilà. Donc voilà, il nous restera pour la semaine prochaine, pour la dernière émission, à parler des deux main stage et on va dire des différentes, peut-être, améliorations du coin. On parlera un petit peu de la grande roue, tout ça, tout ci. Donc, je te propose de faire le petit point Knotfest. Attention ! Il reste moins de 2000 places à vendre pour la première date du Knotfest en France, en partenariat avec le Hellfest. Toujours 10 groupes pour ce mini-festival. 5 groupes américains et 5 groupes européens. Cette semaine, c'est au tour de toujours pas Slipknot. Mais dès la semaine prochaine, ça c'est sûr, parce que Bob aura tout écouté. Jusqu'à la dernière goutte. Exactement. À la dernière seconde. Donc, ah, ça y est, c'est bon, j'ai tout écouté. Ça fait 1h10. Donc, je te propose de, de passer la seconde pour les chroniques. Ok. Donc, je commence ou tu commences? Vas-y, commence. C'est la rubrique chronique. Alors, je vais commencer avec mon premier groupe. Alors, forcément, pour commencer, Bob par pisser. Je viens de te le dire, je t'ai prévenu. J'ai pas entendu, excuse-moi. Alors, il faut savoir que Bob a dans sa maison comme particularité un évier urinoir. C'est que selon le besoin, il se transforme à loisir. En l'occurrence, les trois quarts du temps, c'est un évier. Et là, ça devient un urinoir. Donc, les règles de bienséance font qu'il faut faire couler un petit peu d'eau quand tu pisses. Je ne sais jamais si c'est pour le bruit ou pour le côté... Voilà. Mais étant moi-même un fan de tout ce qui est bio et comment conserver agréablement notre planète, je ne peux que applaudir cette façon écologique d'uriner. Voilà. Donc on peut dire beaucoup de choses sur Bob, et j'en ai dit moi-même beaucoup, hein, surtout dans les numéros hors-série, mais quel connard, vraiment c'est pas évident de travailler avec lui, à la limite travailler, le mot est trop fort, mais vraiment, c'est un mec qui fait beaucoup de choses pour la planète, et qui a surtout un jet d'urine très très long. Le mec a bu combien de bières avant que j'arrive ? Je commence à manquer d'inspiration. Ah, le voilà. Voilà, Bob. Merci, Bob. La planète te dit merci. Mais je dis merci par contre, à la planète. Les gradations, non. Les oreilles des gens, non. Voilà, j'annonce. Les oreilles des gens, non. Bah, au pire, tu le diras. Je dirais quoi ? Tu préviendras. Ok, très bien. Je vais commencer par mon premier groupe qui est Empal Nazaren. Nazaren. Il va pas dire à côté. Parce qu'en fait, j'attends la suite. Ah oui, d'accord. Vendredi, Temple, 18h35, 19h35, face à Dream Theater et Me First and the Gimme's. Deux groupes que tu as chroniqués d'ailleurs. Ah oui. Quel souvenir mémorable. Un plus que l'autre, si je peux me permettre. Oui, c'est fort possible. Donc, Impal Nazaren est un groupe de métal extrême finlandais originaire d'Oulu. Ah oui. Mmh. Le groupe formé en 90 par les membres Mika Lutinen et son frangin Kimo Lutinen, puis d'autres gars aux blazes assez divers, mais toujours avec une lettre de doublé, Mika Paako, donc 2A, 2K, Ari Olapa, 2P, et Antti Pikala, il y avait 2T. D'accord. Il démarre initialement dans le black metal accompagné d'éléments issus du grindcore, puis par la suite plus poussé vers le punk hardcore. 92, leur démo Tol Korum Nords, rien que ça, qui atteindra une bonne place dans les classements finlandais. Très provocateur et avec des textes souvent satanistes, mais aussi parfois relativement décalés. Le groupe se caractérise par une musique très violente, moins mélodique que la plupart des groupes de black metal, mais plus structurée et avec une voix plus aiguë que la majorité des groupes de death metal. C'est vrai que le groupe fleure toujours un peu avec les deux, et jamais du bon côté. Le groupe se caractérise lui-même, au niveau de leur musique, comme du Nuclear Blast. Aucun lien avec la... Avec la okay. Impal Nazaren a aussi toujours flirté avec les problèmes. L'organisation Aggriff fait interdire le concert du groupe prévu au Metal Therapy Festival de 2006. En 2007, le groupe annonce le bannissement de leur album Nihil du marché allemand. La pochette de leur album Ugra Karma est censurée à la suite d'un procès intenté par la secte Hare Krishna. Souvent, parce que les thèmes traités par le groupe sont le satanisme, la guerre nucléaire, le sexe, la violence, la politique, le patriotisme finlandais et la mort. Mais pour l'album Ugra Karma, cela inclut un charabia sur la mythologie hindoue, sur l'enfer et toutes sortes de perversions chantées en anglais, en allemand, en finlandais et même en sanskrit. En bref, Impal Nazareth, c'est de la polémique, de la violence. Deux frangins, mais fâchés aujourd'hui parce que Mika s'entend avec personne. Par exemple, le chanteur-guitariste de Children of Bodom, Alexis Laiho, est venu un temps rejoindre le groupe, mais rapidement il s'est fait dégager par Mika. C'est donc quand même 14 albums studio et autant d'anciens membres, et je ne compte pas les EP et autres splits, de la polémique et de la violence, et depuis 2010 des albums publiés chez Osmose Productions, et c'est donc tout naturellement sous la tente Temple qu'ils viendront montrer toute leur violence et leur polémique. Voilà. Donc Osmose, hein, qui est quand même un label français, tenons de le dire. Et donc pour ma part, ce que j'en ai pensé, c'est effectivement, c'est très violent. C'est, ouais. Oh là là, c'est violent, c'est, ça fleure avec le black metal, ça fleure avec le death metal. En fait, j'aime bien Impal Nazareth, la version après 2000. Ouais. Tout ce qui est avant 2000, pour moi, j'ai énormément de mal à écouter. C'est trop violent. Ouais, c'est trop, mais vraiment trop violent, quoi. C'est... j'arrive à rien, à me raccrocher à rien, quoi. Autant après 2000, soit ils ont un peu calmé le jeu, ou ils ont dit ah, tiens, on pourrait faire des trucs mélodiques pour voir. Je sais pas trop comment ils se placent eux-mêmes, mais après 2000, ça va. Il y a plein de morceaux qui passent bien. Je vais pas parler forcément en termes d'album, mais tout ce que j'ai pu écouter qui se plaçait après les années 2000 se passe beaucoup mieux. Et tout ce qui est avant est beaucoup trop violent pour moi, beaucoup trop. Ouais, non, énervé, en colère, violent. En plus, comme le mec a l'air d'être à moitié un peu un énervé de la vie. Ouais, faut peut-être mieux éviter de le fréquenter, quoi. Bah, de le fréquenter, oui. Après, aller le voir en concert, je ne sais pas. Oui, c'est du coup, de fréquentation. Je n'achèterai pas d'album parce que. Ah bon ? Non. Je pourrais écouter un peu plus histoire de voir ce que j'ai pas forcément aimé dans la première moitié de leur carrière. Par contre, sachant qu'ils passent face à Dream Theater et Me First and the Gimme Gimme. Bah, moi j'aime bien Dream Theater, donc j'ai plutôt allé vers ça. J'irai pas voir un Impal Nazareth, mais en même temps, à 18h35, il y a aussi une chance qu'on soit quelque part près d'une tente en carton à siroter une binouze. Ouais. Est-ce que tu as eu l'occasion d'écouter un Impal Nazareth ? Alors, en fait, je connais de mes connaissances anciennes. Ouais. Et du coup, j'ai pas réécouté parce que, ayant ce souvenir de. Donc, moi j'écoutais avant 99. Ouais. Donc je connais pas après 99. Mais en fait, c'est vrai que ça se place vraiment entre le black et le death. Enfin, c'est pas totalement black, mais c'est pas totalement death. Donc c'est un peu entre les deux, mais c'est juste très violent, très en colère, quoi. Vraiment. Et de mémoire, je m'en rappelais bien qu'il y avait une sorte de rejet comme ça de la bonitude des gens. Mais après 2000, il y a des trucs pas mal, vraiment, des trucs intéressants. Voilà. D'accord. Très bien. Est-ce que toi, tu iras voir ? Non. Est-ce que t'as un truc ? Ouais, j'ai prévu. Ouais, je pense qu'à mon avis, j'irai certainement faire un billard ou... Bah après, toi, t'as mis First and the Gimme Gimme. T'as bien aimé. C'est... Ouais. Qui est plus... plus moins énervé. Moins, voilà, ça. Très bien. Eh ben, c'est tout pour ce premier groupe. D'accord. Je veux pas perdre de temps. Ouais, je te remercie fort. donc moi, pour ma part, j'avais FM. Ah ouais, j'attendais ça avec impatience. Pourquoi ? Alors, qui passe le samedi en Main Stage 1 de 12h15 à 12h45 pour une petite demi-heure face à Wolf Heart et The Creep Show, qui sont deux groupes que tu as chroniqués. Encore ? Bah, je crois. C'est dingue, ça. Ouais. FM, qui est un groupe de rock mélodique, de hard. Attends, une petite seconde. Italien ? Non, je... pourquoi le... Non, ah bah de rock, hard, FM. Excusez-moi, j'étais pas dedans. Non, parce qu'en fait, je m'attendais tellement à ce qu'ils nous disent. Oui, alors en fait, j'ai pas trouvé. Le groupe. Je pense que c'est le moment... Tu peux régler tes comptes avec Julien, là. Je veux dire, oui, alors non, le quatrième groupe, j'y avais pensé. C'est juste que... Ouais, bien sûr. Bien sûr que oui. Donc, comme je le disais à l'instant T, qui est un groupe de rock mélodique hard FM. FM ? Pour un groupe qui s'appelle FM. C'est bien pensé. C'est plutôt bien pensé. Formé en 84 en Angleterre. Non pas en Espagne, comme tu viens de le dire. J'ai dit Italie. Oui, bon, bah c'est pareil. T'es sûr que t'es sur le bon groupe ? Il est composé de Steve Overland. C'est ça ou pas ? Je Vas-y, fais ton truc. Au chant et à la guitare de Merv Goldsworthy, à la basse, et de Pete Jump à la batterie, de Jim Davids au clavier, et de Jim Kirkpatrick à la guitare. J'aime beaucoup ton accent. Merci. Thank you. Je voudrais le même. Tu m'étonnes. Je te l'offrirai pour ma gueule. C'est gentil. Leur 11e album, Atomic Generation, est sorti le 30 mars 2018. 11e. 11e ? Tu vois ? Ça fait beaucoup quand même. Ça des pulpes. Et avant tout, je pique ça quand même sur French Metal, hein, qui est justement les initiales de French Metal. De FM. Hey, c'est super. Mais tout se tient. Tout a une corrélation, c'est formidable. Donc voilà, sorti chez Frontière Music, hein. Bien que FM ait fait son entrée relativement tard comparé à ses confrères, Journée, Magnum ou encore Praying Mantis, je ne connais aucun de ces groupes. Journée. De nous. Ah Magnum bah. Aussi, ah oui, de nous. D'accord. Ah bah oui, d'accord. Ils font de la photo, je crois, c'est ça. Ouais. Ouais. Toute la journée. Ça, c'est des mantis. Comme ça, on a fait les trois. Voilà. Il est considéré pour beaucoup comme un des piliers du genre. Ce qui est assez étonnant, parce qu'il est arrivé bien après. Bah oui, alors qu'en fait. Bah en fait, non, parce qu'il est arrivé bien après. Bien, ça meuble un peu le truc. C'est vrai, ça permet d'avoir. Waouh, mais quelle chronique! Oh, merci! Après son retour en 2007, parce qu'ils ont fait une pause de 12 ans quand même. Oh putain. Donc les mecs, ils ont commencé en 84, ils ont arrêté, je crois, en 95, un truc comme ça. Ils ont arrêté, ils ont repris en 2007. Ouais, mais tu sais ce que c'est. Ça leur permet de se... T'as des gamins, le temps passe, t'as Netflix, enfin, tu vois. C'est ça. Donc, suite à 12 ans de séparation et de silence, FM fait son bonhomme de chemin et sort sagement des albums qui n'ont pas manqué. Pas, qui n'ont pas marqué. Qui n'ont pas manqué de ravir ses fans de la première heure. Voilà. Donc, moi, n'étant pas fan de la première heure, ni de la dernière, ni de celle du milieu. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Pour ma part, FM, c'est non. Oh, oh, oh, oh, oh. Motus. Bah oui. Parfait. Bah, je... Ah non, mais franchement, tu pouvais pas trouver mieux. Bah, je trouve ça formidable comme formulage. Je suis gentil. D'accord. Ok. Donc voilà. C'est typiquement ça. Hein. C'est du hard FM. Hein. Alors, tu n'as pas aimé. Mais si tu devais comparer à Bon Jovi, par exemple. Bah, ils ont tourné avec lui, justement. Bah, comme quoi je suis un génie. Alors. Ouais. Tu préfères lequel ? Ah bah, ni l'un ni l'autre, en fait. Je vois pas pourquoi je choisirais. J'aime pas les deux. Là. Oui, mais ça, on s'en fout. T'as écouté un peu alors, FM ? Oui. J'ai écouté un peu, ouais. Et t'as pas. Ah non, j'ai fait. Ouais, non. Alors. J'ai attendu. Ouais, non. Donc, je te rappelle qu'ils sont face à Wolfheart et The Creep Show. Alors. Oui, ben, rien n'est joué, c'est toujours pareil. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? J'irai pas voir FM, certainement. Peut-être Wolfheart. Peut-être. C'est vrai que le mec, il est autodidacte et il se démerde tout seul. Tant mieux pour lui. Certainement, j'irai le voir. Ça doit être balèze quand même. Et tu sais que j'y pense depuis un moment. C'est ce qu'on aurait dû faire si on avait eu le temps. Non. Une émission où on aurait reparlé de tous les groupes qu'on avait oubliés. Là, ouais, c'est chaud quand même. Ouais. Parce qu'on en a oublié plein. Oh putain, oui. Je me suis dit, est-ce que c'est pas un aveu de genre on est nul ? Parce qu'il faudrait presque tout reprendre. Donc c'est un peu. Oui, donc non, laisse tomber. Très bien. Quelque chose d'autre à ajouter ? Non. Ok, je passe à mon second groupe ? Non. Très bien. Alors, on vous aime et on vous emmerde. À la semaine prochaine ! Hey ! Pardon, sabot de bois. Ah, mais du coup, je... Oui. Oui. Alors, No Fun At All. Un peu comme ici, quoi. Mais non ! Ah, merde ! Bah oui. Ah oui, c'est ça que tu veux. Bah attends, je te l'offre. Je ferai une cut. Je te l'offre de bon cœur. Genre, et ça me fait plaisir. Genre, il y a du montage. Attends, je couperai. Alors, mon deuxième groupe, c'est No Fun At All. Alors, No Fun At All, qui passe le vendredi en Warzone. Oh non, c'est pas possible. Alors, bah en fait, parce que c'est un... Ouais, je te laisse. D'accord. Donc, il passe en Warzone de 15h05 à 15h55. Ouais, pour c'est une bonne heure, ça. De quelques minutes. 50. Face à Godsmack et Trollfest. Ah là. Un groupe que tu as à chroniquer aussi aujourd'hui. Ah mon Dieu. Bing, c'est à toi. Ok. Woo. Merci. Cette énergie. Ouais, non, mais c'était... D'où t'as tiré ça ? Je sais pas, c'est comme ça. Et puis là, je vais aller me reposer un peu. Alors, No Fun At All. Oh là, je viens de tirer sur les câbles. Attends, est-ce que j'ai pas fait une connerie ? Ouh là là, ça enregistre toujours. Ça enregistre toujours, on est dedans, on est dedans. Que personne ne bouge. No Fun At All, souvent abrégé NFAA, est un groupe de skatepunk à roulettes suédois, originaire de Skinskatteberg. C'est sympa. Ouais. Tu vois, c'est ce que tu disais tout à l'heure, quand tu disais, oui, il y a des groupes, on pense qu'ils sont américains, et puis en fait, ils ne le sont pas. Ouais. Bah voilà. Il y avait une question comme ça sur le quiz de, ça doit être Métallurgie, je crois, un truc comme ça. Ah, d'accord. J'ai ça, moi, sur mon petit téléphone. Parce que cette année, ils ne l'ont pas. Non, c'est, ouais, Métal... Et du coup, il y a Métallurgie.com. Et du coup, tu as plusieurs parties, donc punk, ah oui, Hellfest... Oh! T'as Metal, machin. Et c'est des quiz? Ouais, c'est des quiz. Mais c'est une application? Ouais, c'est une appli. Ah, je vais... C'est metallurgie.com qui avait mis ça. C'est sympathique. Attends, je la download. Que j'aime bien, moi, les quiz. Je continue sans me connecter. Est-ce que tu peux te connecter ou ne pas te connecter? D'accord. Et donc, Métallurgie, partie... j'ai pas de résultat. Ok, donc t'as une partie Metal, okay. Metal Extrême, Punk, Hellfest et All. All, ah. D'accord. Et je sais plus. Donc, si tu avais une question justement, quelle était la nationalité la plus représentée dans les groupes? Ah oui. Donc, tu avais la Suède, l'Amérique, la France et l'Allemagne. D'accord. Voilà. Et tu as dit la Suède. Presque. Putain. Et je m'ai trompé. Bah oui, c'est la Suède. Non, c'est l'Amérique. Non, c'est la Suède, t'es un connard. Alors. Ça va se régler, je vais te péter ta petite nage. Donc, Skinskatteberg, qui est un petit bled où il y a environ 4829 personnes qui vivent. C'est tout? Bah c'est pour ça. Ouais, c'est sympa. Formé à l'été 91 à Skinskatteberg. Donc un petit bled où il y a environ 4829 personnes qui vivent. Ouais, pour un groupe de skate. Par Mikael Danielson à la guitare, Jimmy Olson chant et à la batterie, et Henrik Olson, ouais, comme dans la petite maison de prairie. Et Henrik Sundvinson à la basse. Le nom du groupe s'inspire du titre d'une chanson des Sex Pistols, No Fun, mêlé au nom du groupe Sick of It All. Et quand même, donc, le pire moyen de trouver un nom de groupe. Mais pas forcément, No Fun At All. En 93, le groupe publie un premier EP intitulé Vision. L'album comprend 9 titres pour un total de 17 minutes. C'est court. Bah, en même temps, Sick of It All, je crois, c'est pareil un peu sur le premier album. De 94 à 2000, changement dans le groupe. Le chanteur-batteur part, remplacé par un chanteur et un batteur. Le bassiste se retire, ce qui pousse Michael le gratteux à reprendre la basse. Et pendant ce temps, No Fun At All sort 5 albums. 2001, le groupe se sépare, comme toutes les putains de semaines où je chronique des groupes. 23 avril 2004, un concert à Sandviken voit le groupe se réunir. 25 février 2006, nouvelle réunion pour un festival. En 2008, le groupe viendra jouer en Suisse et en Belgique et sortira un 6e opus, Low Rider. En 2015, le groupe joue à l'Amnesia Rockfest, puis un peu de remaniement de groupe, hein, histoire de dire, en 2018. Et en 2018, sortie du 7e album, Grit. En résumé, No Fun At All, c'est plutôt du fun partout avec un groupe toujours sur le renouveau, parce qu'il change de membre tout le temps. Alors, enfile ton skate, Bob, nous partons sur le rythme du punk et des roulettes de ces 7 albums qui accompagneront nos balades de skatepark en chute de skate, jusqu'à venir festoyer en Warzone. Cool. Et donc, qu'est-ce que j'ai pensé de ce groupe? Alors franchement, j'ai un peu surfé sur tous les albums. Et malheureusement, ce que j'aurais envie de dire, c'est que à l'Ouest, rien de nouveau. Bah ouais. C'est en fait, c'est vraiment un groupe de punk à roulettes qui n'a rien de plus, rien de moins qu'un autre groupe. Il n'a pas plus d'originalité, pas plus de mieux. Franchement, l'année dernière, j'ai été tombé sur 7-8 que j'avais beaucoup aimé et qu'en plus c'était un groupe français. Là, j'ai vraiment l'impression d'écouter un peu du sous 7-8 parce que j'avais pas de hype dans les morceaux. C'était bien. Sans plus. C'était pas nul, c'était bien, sans plus. Vraiment. Par contre, j'ai regardé un live, il y a un peu plus d'énergie, mais là, du coup, c'est la musique qui s'y prête. Donc, les gens sont un peu plus vivants. Le chanteur est actuel, en tout cas, est un peu plus calme, lui. C'est vraiment totalement... Malheureusement, je dirais que pour le style de musique que c'est, j'aurais presque tendance à dire que c'est mou. Pas mou ennuyeux, mais calme et dans la retenue, un peu. C'est pas... Ouais. Voilà. Toi, tu connais un petit peu, j'ai l'impression, que tu as écouté. Je connais un peu. Bah, ça fait longtemps, oui, que je connais. J'ai découvert certainement avec les Rock Sound. Ouais, et à donc, l'époque. Qu'est-ce que tu en penses? Bah ouais, comme tu dis, ouais, bah, c'est assez dans la retenue. C'est plutôt calme et tout très, très cool. Et c'est, il n'y a pas de grand changement. Et bah c'est... ouais, c'est... ça déroule. Alors, je dirais que je me référerais pas au Satanic Surfer, mais un peu dans l'esprit, tu vois, il n'y a pas... Ah bah ça dépasse pas. Quoi. Pas de réel changement. Non, et... c'est un groupe de punk à roulette, donc ils font du punk à roulette, mais ils vont pas. Enfin voilà, c'est. Et de, sur tous les albums, il n'y a pas de moment particulier où tu fais ah là, c'est bien. Ouais. Voilà. Mais c'est pas un groupe qui marquera, je trouve. Enfin, pour moi en tout cas, pour ma part, ça m'a pas marqué. Du coup, bah évidemment. En même temps, je crois qu'ils jouent aussi. Enfin, il y a la notoriété aussi du groupe. Bizarrement, Nothing at All, par exemple, on pourrait éventuellement comparer avec Melancholin. Ouais. Qui est un groupe suédois aussi, mm-hmm. et de punk dit à roulette. Ouais. Sauf que Melancholin a sorti son épingle en créant certainement plus des. Bah, le peu que j'ai écouté grâce à toi de Melancholin sur tes conseils, ça me semblait déjà beaucoup plus original dans le voilà. style. Original ou différent, mais là c'est on est. C'est ça qui fait que bah, ils ont pu sortir leur épingle du jeu et être un petit peu plus. Avoir plus de notoriété par rapport à ça. Mm-hmm. Je crois que même ils ont dû signer chez Epitaph des années. Ouais. Pour ça, et grâce à ça aussi, quoi. Et même leur dernier album qui est sorti il y a un mois ou deux, je crois, reste un bon album de Melancholin. Mais Nothing at All, c'est vrai qu'on entend moins parler. Pourtant, je crois qu'ils sont à peu près similairement connus dans le milieu punk voilà, punk à roulette. Je suis moins sûr. Mais si tu veux, c'est vrai que quand tu vois des groupes, alors je fais un grand écart merveilleux, mais quand tu vois un groupe de comme Offspring qui est un peu le représentant ultime de ce style, on va dire, parce que le plus connu, je crois, enfin oui, en tout cas le plus populaire, tout le monde connaît au moins Offspring pour une chanson ou deux. Tu vois qu'ils ont tenté plus de choses. J'ai l'impression qu'il y a plus de trucs tentés dans un album d'Offspring que dans toute la carrière de Nothing at All. Ouais, moi j'en ai rien à foutre, moi je balance. Hein, je. Ouais, j'irais pas que The Offspring est plus connu qu'un autre. Bah, tu mets attends en termes de millions d'albums qu'ils ont vendus. Oh, bah, t'as les Bad Religion, t'as Rancid. Non, oui, mais non, mais il y a. C'est des groupes qui ont signé aussi chez Epitaph, qui ont signé chez. Quel joli mouvement de bras. T'as vu ? Non, mais des groupes qui ont signé, mais qui ont vendu. Non, mais Offspring, ils sont des têtes d'affiche de festivals, même tout public, tout genre. Ah, moi, je pense que si, hein. Au même titre que NoFX et tout ça, bah, je pense qu'à mon avis, écoute, The Offspring est certainement peut-être plus populaire. Oui. Mais en termes de reconnaissance musicale, je pense. Ah non, qu'à je ne parle avis, pas de reconnaissance musicale, j'ai dit de plus connu et de plus. Ah oui, mondialement. Ouais. Le nom The Offspring est plus connu que, oui, par exemple, NoFX ou Bad Religion. Bah, c'est ça que je voulais dire, pas en reconnaissance musicale de qualité ou quoi que ce soit, mais. Ouais. Non, attention. Ah oui, le nom The Offspring, oui, oui c'est ça. Plus connu, ouais. Voilà, je veux dire, attention. Oui, non, mais j'entends bien. Oui, oui, parce que je vois bien, on a des... Bon, en tout cas, on est d'accord au moins sur une chose. Nothing at All reste classique. Ouais. Voilà. Et donc, sachant que le groupe joue face à Godsmack et Trollfest, eh ben, je donnerai ma décision au moment de Trollfest. Ça paraît plus... En fin de partie. Tout à fait. C'est tout ce que j'avais à dire pour ce groupe. Et je m'en remercie, vu que tu le fais pas. Oui, eh ben, remercie-toi. Et ça fait toujours plaisir de se remercier. C'est vrai. Moi aussi, tiens, je me remercie pas assez souvent. Bon, deuxième groupe. Merci à toi, Jack. Oh. Ça fait plaisir de... Mais de rien, écoute, c'est normal. Mais attends, mais je sais pas. Moi, c'est venu comme ça, du cœur. Ça me fait plaisir. Du coup, je suis un peu perturbé. Donc, on passe à mon deuxième groupe. Bah, par exemple, qui est Lynyrd Skynyrd. Qui passe le dimanche en Main Stage 1 de 19h40 à 20h40 pour une petite heure, ce qui est plutôt sympa, face à Viltimas et The Obsessed. Ouais. Alors, un groupe historique, s'il en est. Oui, oh, complètement. Donc, Lynyrd Skynyrd, qui est un groupe de rock américain, originaire de Jacksonville, en Floride. Eh, comme Limp Bizkit. Sérieux ? Cool. Il est l'un des fondateurs dans les années 70 du rock sudiste, un style de rock influencé par la musique country et le blues provenant du sud des États-Unis. Et ça fait plaisir. Bah, ça fait plutôt plaisir parce qu'il y a du soleil, c'est sympa. Formé originalement en 64. C'est pas tout jeune. On était loin d'être nés. sous le nom de My Backyard, avant de devenir The Noble Five et plus tard 1%. Il faut attendre 1970 pour que Lynyrd Skynyrd devienne le nom officiel et définitif. Le groupe est rapidement reconnu dans le monde entier pour la qualité de ses prestations scéniques et ses deux plus grands succès, Sweet Home Alabama et Freebird. Malheureusement, alors que Lynyrd Skynyrd était au sommet de son succès, en 1977, trois des membres du groupe périrent dans un tragique accident d'avion, mettant ainsi provisoirement fin à la carrière du groupe. En 87, les rescapés du crash de 77, autant dire 10 ans après, merci, c'est sympa de te suivre, reforment le groupe pour une tournée en hommage aux disparus. Ed King fait son retour et Johnny Van Zandt remplace son frère au chant. La tournée fut un succès, 375 000 personnes assistèrent au show. Rien que ça. Bon. Ce qui incita le groupe à continuer l'aventure. En 2006, le groupe connaît la consécration en faisant son entrée au Rock and Roll Hall of Fame. En 2006. Comme moi. Toi aussi ? Ouais. Pareil. Mais moi, c'était plus en 2024. Et coup, c'est pas encore fait. Il ne sache pas encore, d'ailleurs. À ce jour, et malgré le fait que Gary Rosington soit le seul membre fondateur, le groupe enregistre et tourne toujours. En janvier 2018, le groupe annonce sa tournée d'adieu. Oh. Donc, c'est la dernière fois que nous les verrons en France cette année. Oui, parce qu'ils n'ont qu'une date unique au Hellfest en plus. Hein. D'accord. C'est ça qui est fou. Bah oui. Donc voilà. Alors, on pourrait partir sur toute la bio. On peut partir sur une partie de la bio. Oh, écoute. Parle-nous plutôt. C'est assez intéressant, hein, mais après, oui. j'ai lu une bonne partie et c'est vrai que c'est assez intéressant. Donc, en fait, ils étaient plusieurs dans l'avion. Ils étaient une vingtaine. Ouais. Ils n'étaient pas que les membres du groupe. Donc, tu avais la sœur du guitariste, tu avais deux ou trois rodis, les deux forcément pilotes. Tu avais chanteur, guitariste. Et tu avais justement un des membres du groupe qui avait fait la veille un rêve prémonitoire en leur disant de ne pas prendre l'avion. C'est ça qui est encore plus dingue. Wow. Parce qu'il avait vu qu'il y avait dans son rêve, il avait vu un moteur en feu. Et en fait, le problème technique de l'avion, c'est que l'avion avait un problème de moteur et surconsommé du kérosène. Ouais. Et du coup, il surconsommait. Donc ça a créé une chute. Et il y a un moment, je ne sais plus ce qu'il a eu, une étincelle ou je ne sais pas quoi. Là, un moteur a pris feu et ils n'avaient plus de kérosène pour atterrir. Donc, ils ont appelé en urgence une tour de contrôle pour atterrir. Sauf qu'ils se sont écrasés dans le sud, dans un marécage très arboré. Ouais. Et du coup, tu en as trois. Donc, tu avais justement Artemus Pyle, justement, qui a été remplacé, qui a remplacé un des batteurs, qui a remplacé le batteur de base, je crois, d'origine. Parce que je crois qu'il s'est barré, parce qu'il en avait marre, il était sous pression à cause des tournées trop longues, et voilà. C'était, ouais, à la base, c'est vrai qu'ils ont commencé à 3, et ils faisaient des petites fêtes de quartier, donc je t'ai donné les noms, tu vois, les trois premiers noms, mais t'as énormément de personnes qui sont passées dans le groupe, et énormément de gens qui sont morts dans le groupe. donc Lynyrd Skynyrd, pour ça, c'est assez impressionnant. Et du coup, ils commençaient par des petites fêtes de quartier à 3, et ils se sont fait connaître comme ça, en jouant dans des clubs dans leur quartier. Et après, ça a commencé, ils ont joué avec... Ils reprenaient du Rolling Stone, de mémoire. L'accident. Ah, tu veux savoir l'accident. Mais non, mais tu étais là, et après, t'as dit oui, parce que le mec, et après, t'es reparti sans le passé. Oui, non, mais c'est parce que il y a tellement de choses, en fait, sur fait l'accident, et... Donc, l'accident, c'est ça. Donc, ils étaient plusieurs, comme je te disais. Et justement, Artemus Pyle s'en est sorti, avec un bras cassé, je crois, de mémoire, et a été prévenir un fermier qui était non loin de l'accident. Mm-hmm. Et le mec, de peur, parce qu'il a vu trois gars arriver en sang... Avec Artemus Pyle qui était batteur, donc il avait un bras de pété, donc c'est pas trop pratique. Arrivé comme ça en sang dans sa ferme, le mec a sorti son fusil, il a pas descendu les gens, il a tiré en l'air, ouais, barrez-vous, machin, en pensant que c'était certainement des voyous. Mm-hmm. Et en voyant l'état des mecs, a prévenu forcément les secours, machin, donc voilà, donc t'avais forcément trois morts, donc, dont le chanteur. Ouais. c'est un peu triste. Et donc voilà, Artemus Pyle et trois autres membres s'en sont sortis. Ils étaient que trois rescapés du monde. Et c'est lequel qui a groupe. C'est lequel qui a fait le rêve alors? C'en est un en fait qui lui est parti en bus. Alors je ne sais plus c'est qui. Il a pas pris l'avion. Ça rappelle un certain film. Ouais. Il a pas pris l'avion parce que justement il a vu ou alors il était malade, je sais plus. Enfin il y a tellement de membres aussi dans ce groupe. Donc il a pas pris l'avion. Il y en a un qui est parti en fait avec le tourbus, ouais. Parce qu'il y a du matos qui est parti en camion ou en bus. Et je crois que c'est lui qui est parti avec. Il a dit vraiment non. Et il a prévenu les mecs hein, ouais. Avant, mais bon. Après, voilà. Mais arrête. C'est parce qu'à la base, en fait, ils tournaient en bus et en camion, et ils avaient tellement de matos, et ils ont tellement. Ils avaient tellement de concerts à un moment de prévu en une année, qu'ils se sont dit faire 100 bornes en bus ou faire 100 bornes en avion, c'est beaucoup plus simple. Pour physiquement les gars, parce que c'est plus reposant de faire en avion qu'en bus, et aussi pour la rapidité. Ouais. Donc du coup, tu avais une partie du matos qui partait en bus, et les groupes partaient en avion, pour être tranquille, arriver sur place. Et, voilà. Et du coup, ça s'est passé comme ça. Donc il y a eu plein de mecs de partie, à cause de problèmes aussi d'alcool, de drogue, de machin, de trucs. Donc voilà, des convalescences assez longues pour certains. Enfin, c'est tout un merdier. Franchement, Lynyrd Skynyrd, c'est le frère du chanteur. Qui a repris le poste. Donc, t'as Ronnie qui est décédé. Donc, c'est Johnny qui a repris le poste. Je crois que c'était juste pour les tournées, en fait. Mm-hmm. Pour les tournées d'adieu. Enfin, pour les tournées de mémoire, on va dire, du groupe. Et en fait, ça a tellement bien marché que les fans étaient réclamés, justement. Parce qu'ils voyaient que Johnny faisait l'affaire. Ouais. Et les autres membres aussi. Donc, voilà. Et à la fin, il reste... Bah, là, je crois, de mémoire, il ne reste plus que le batteur ? Le clavier, en fait. Ah, le clavier. C'est un clavier que tu mimais. Il a mimé des choses. C'est pour ça que je... Oui, non, ça, c'est pas la batterie. Bah, écoute, c'est pas non plus avec un clavier. Avec les doigts, comme ça. Bah, c'est un zombie. Je suis désolé. Julien, Michel... pas Obama, mais... ni Bernier. Paul Naref. Berger. Michel Berger. D'accord. Il jouait pas de la batterie. Et donc, il jouait comme ça. Musicalement Musicalement, ça tient toutes ses promesses. Hein. C'est du rock sudiste, rock'n'roll, blues, mélange. Découvert des bonnes choses? J'ai découvert des bonnes choses. En fait, j'ai découvert Lynyrd Skynyrd il y a maintenant 18 ans, 17 ans, grâce à mon beau-père. Ouais. Je dis grâce parce que j'aime beaucoup ce que font Lynyrd Skynyrd. Et ouais, je le remercie parce que j'ai découvert... je connaissais déjà forcément Sweet Home Alabama et tous les morceaux les plus connus. Mais j'ai découvert beaucoup de bonnes choses et c'est un rock plutôt entraînant, très, très bluesy, très jazzy, très... tu vois, c'est plutôt sympa à écouter. Après, voilà, moi j'ai rien contre, j'ai rien pour. Ça m'arrive d'écouter des albums de Lynyrd parce que j'en ai aussi. J'en ai acheté, je crois, de mémoire. Et j'en ai eu aussi gravé. D'accord. Donc voilà, non, j'écoute du Lynyrd de temps en temps. Et, ça s'écoute très bien. D'accord. Et j'ai envie d'aller les voir. Là, D'accord. Je les ai vus en 2012, justement. Donc, en fait, à la base, on s'est dépêché en 2012 pour voir Orange Goblin. Ouais. Et on a loupé Orange Goblin, donc on a foutu. Ouais, ça va. Hein. Non, mais j'imagine vraiment la scène en plus. Vous vous êtes dépêché pour aller voir Orange Goblin et vous avez... Non, on ne s'est pas dépêché dans le sens dépêché. C'est qu'on a eu un problème sur la route. Ah. On est arrivé, la pose de bracelet étant scalée, assez longue. Du coup, on s'est dit, putain, on est arrivé le vendredi en plus. Donc, tu vois... Mais qui fait ça? Maintenant, plus personne. Hein. Il y en a peut-être un ou deux. C'est ça. Et du coup, putain, on est en train de louper Orange Goblin. On va peut-être arriver à temps pour voir Lynyrd Skynyrd. Et du coup, t'avais vu... Et du coup, on a foutu nos freins. J'ai monté la tente vite fait. On a foutu nos freins dans la tente. Et on a foncé voir Lynyrd Skynyrd. On a dû voir un bon deux tiers du... Et donc là, tu voudrais bien les revoir? J'aimerais bien les revoir. Bah, d'accord. En plus, d'autant plus qu'ils arrêtent, normalement. Bah... Si c'est comme Manowar qui porte des slips, bon, ils vont pas arrêter. Parce qu'ils ont d'autres projets. Mais ouais. Là, c'est prévu qu'apparemment, ce soit leur... Bah, du coup, n'ayant jamais eu l'occasion de les voir, je pense qu'il faudrait y aller aussi, quoi. C'est sympa, hein, franchement. Bah, je pense, oui. Puis... De mémoire, ils ont eu un gros problème de drapeau, ce qui change, en fait, de fond de scène ouais. Pendant le concert. Ils ont dû changer trois fois, je crois. Et ils ont un aigle, c'est l'aigle américain, ouais. Sur Freeburn, je crois, au tout début de Freeburn. Ils l'ont joué à la fin, c'était génial, j'adorais. Et en fait, ils ont eu un gros problème, c'est que le drapeau s'est cassé la gueule à moitié. Donc du coup, tout le long du concert, ça donnait pas ce que ça devait donner. D'accord. Donc t'avais en visuel le drapeau qui se cassait la gueule, et c'était pas... Ça gâche un peu le truc. Oui. Donc là, espérons qu'ils rattrapent le truc cette année et que ce soit une belle fin pour en apothéose. Voilà. D'accord, très bien. Bon, à 19h40, 20h40, c'est encore tôt, donc ça... Oui. D'accord, autre chose à dire sur le groupe ? Bon, il y a tellement de choses à dire que... Ouais, donc on va passer. Moi, je conseille d'aller lire. Pour dire, ils ont eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 morts dans le groupe. C'est joyeux. C'est joyeux. Moi, sur, je dirais, 15 personnes. Moi, s'ils me proposent, j'y vais pas. Hein. Ouais. Je pense qu'à mon avis, ça pue quand même. Hein. Peut-être pour ça qu'ils arrêtent. Bon, je passe à mon prochain groupe. Je vais passer à Trollfest. Attends pour moi. Pas de soucis. Non, mais j'arrive. Hein, je suis là. Trollfest. Ah, d'accord. Oui, je sautais. Tu passes, d'accord. Donc, ils passent le vendredi en Temple. De 15h05 à 15h55, tiens, étrangement, face à Godsmack et No Fun At All. Oh bah, c'est comme un air de... Pile poil, hein, c'est vraiment... Pareil. Alors, Trollfest, aussi stylisé Trollfest avec un T majuscule au début et à la fin, est un groupe de folk metal norvégien originaire d'Oslo. Jostein Trollmannen Osvik et John Espen Mr. Seidel Sakstad se connaissent depuis longtemps. C'est des mecs, ils sont potes. Ils se connaissent. Longtemps. Est-ce que t'as... J'ai pas le... Mais bon, ils se connaissent d'assez longtemps pour s'être perdu de vue, puis retrouver. Ah, ça, c'est toujours... Ça fait toujours du plaisir, ça. Ils forment avec leurs camarades de classe. Bon, je pense qu'on est plus sur une histoire de fac. Martha Psychotroll Storm Olsen et Eric Trollbank Renten. Trollfest, avec un T majuscule au début. Olsen, encore. Hein. Ouais, et à la fin. Donc, ils se forment en 2003. Un groupe initialement formé pour rigoler. J'imagine. Mais qui devient sérieux tout au long de son existence et sa popularité grandissante. Inspiré par le groupe finlandais Fintroll, Trollfest développe un style musical unique variant plusieurs genres, incluant l'impa, le tango, le reggae, la valse et le ska. Mais contrairement à leur inspiration, donc Fintroll, ils n'utilisent pas de synthétiseurs mais de vrais instruments folkloriques. Ce qui est plus respectable. Les paroles du groupe sont écrites dans un langage nommé Trollsprak, qui est un mélange de norvégien et d'allemand. Un langage au concept assez simple. Au début, le groupe décide de chanter uniquement en allemand, car c'est une langue qui paraissait sombre. Cependant, aucun des membres ne s'y connaît vraiment, et ils décident par la suite d'adapter leur texte en une grammaire fantaisiste allemande. Et bien souvent, les paroles sont superficielles et dépourvues de sens. En bref... C'est bien grave. Trollfest est un groupe festif avec pas moins de 8 albums et que des membres avec le mot troll dedans, à peu près. Voilà. Il n'y avait pas un autre groupe comme ça où vous avez tous un blaze J'en ai parlé il y a quelques... Putain, si, ils avaient tous un blaze qui reprenait le... Je sais plus. Avec le nom de groupe. Oh, faudrait que je le retrouve. D'accord. Tu le feras jamais, mais d'accord. Si, non, mais si. Du coup, Trollfest, eh bien, en fait, j'aime moyen. Voilà. Oh. T'aimes bien, mais pas bien. Non, en fait, c'est que je vois que c'est un groupe de live, c'est un groupe qui est fait pour passer des bons moments, qu'il y a une vraie ambiance fun, je comprends tout à fait le côté que le groupe a été créé pour se marrer, mais en fait, autant musicalement, je trouve qu'il y a des trucs intéressants, autant la voix du chanteur va pas du tout, je trouve, avec le côté fun. Autant dans Alstorm, tu vois qu'il y a un côté décalage dans la manière de chanter qui peut faire que ça matche bien. Moi, dans Trollfest, la voix, le mec est trop... Enfin, ça marche pas pour moi. Et du coup, je suis moins en mode... je vois que musical... En fait, je vois le délire, je vois le truc, mais je le vois en spectateur qu'à l'extérieur. C'est genre, je dis, ok, je vois, je comprends ce qu'ils essayent de faire... Ça me parle pas. C'est pas, tu vois, c'est pas mon truc. Ouais. Tu vois, et pour moi, on est sur un entre-deux de... Je vais pas dire que les mecs sont en train de se forcer à rester dans leur machin, mais la manière dont ça chante et tout ça, ça me fait vraiment sortir du truc, quoi. D'accord. La voix est trop axée, trop typée. Elle est moins dans la blague. Je trouve autant, alors qu'il y a des phases de chant où c'est dans la blague, mais la manière de chanter... trop sérieux. Non, c'est vraiment le timbre et le type de voix qui fait ça. Vraiment, c'est. Ouais. Mais du coup, j'ai pas forcément trouvé ça fun. Je me suis dit que ça pourrait être sympa d'aller voir en live, mais j'ai pas plus kiffé que ça. Je me suis pas arrêté à me dire. En fait, je suis un peu déçu. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus fun et beaucoup plus délire à la limite. Et je l'ai pas tant trouvé que ça en fait. Je te dis, je suis resté en spectateur de la chose. Qui, ok, je vois, je comprends, j'adhère pas. Tu vois, c'est tout. C'est... Moi, écoutez, j'ai préféré Finn Troll. J'ai vu les deux en concert. J'ai préféré Finn Troll en concert que Trollfest. Mmh. Parce que, je sais pas, plus entraînant, certainement, Finn Troll. Et, peut-être, ouais. Tu vois, après, voilà. Du coup, je connais pas Finn Troll, donc je peux pas. Enfin, je connais pas plus que ça. C'est ce que je veux dire. Mais là, ouais, non, ça m'a pas. Alors, entre ça et No Fun at All, qui est un peu mou. Un Godsmack en main stage, musicalement, je pense que je voudrais plus aller voir Godsmack, même si à 15h. Je pourrais essayer d'aller voir Trollfest pour avoir une image en visuel. J'ai regardé quelques lives avant de venir. Et même les lives, les mecs sont grimés à moitié. En plus, pour leur dernier album, ils sont habillés en fée. Enfin, c'est un truc tout un. Parce que c'est fou. Moi, j'ai vu des espèces de chercheurs pionniers ou je sais pas quoi. Ah, mais, parce qu'en fait, le dernier album, c'est les contes de fées de. De je sais plus quoi. D'accord. Donc ouais, ni plus ni moins, bien au contraire. Voilà. Là, franchement, entre les trois groupes, je sais pas. Musicalement, ça serait Godsmack. Oh, rien ne t'oblige, hein, de toute façon. Non, tout à fait, mais voilà. Je suis plus déçu, en fait, je m'attendais à faire une découverte, c'est pas le cas. Voilà, c'est pas... Mais je me dis qu'effectivement, peut-être que c'est très fun. Enfin, non, même si je me dis ça, je vois bien qu'il y a quelque chose qui empêche le fun total, quoi. Il y a un truc qui marche pas, qui est pas en corrélation avec le reste. Il y a un décalage qui, pour moi... Entre la manière de chanter, il y a un truc qui merde, pour moi. Vraiment. Je le dis comme je le pense. D'accord. Voilà, c'est tout. Prie. C'est tout. Oui. Merci à toi. Je vous en prie. Je vous en prie. Pour mon troisième groupe, Jus Fu Manchu. La chatte. Aussi, ouais. Donc Fu Manchu, qui est un groupe de stoner rock, punk, originaire du sud de la Californie, dont le premier single Kept Between Trees est sorti en 90. Autant dire que nous étions des minots. Pitou, pitou. Fu Manchu a été formé en 87. Pop. Excusez-moi. Fu Manchu, vendredi, Valais, minuit à 1h, face à Carcass et à cheval sur Manowar et Gojira. Ah ben bravo. On l'avait vu tard aussi la dernière fois. Hein. Ouais. Je vous en prie. En espérant qu'on n'ait pas un petit Suédois de 40 kilos, de 21 ans, qui descend seul de Suède. Pour voir Amon Amart. Voilà. Qui nous dit, hey, moi je fais du hockey, je peux vous défendre. Ouais. Maman. Fu Manchu a été formé en 87 comme groupe de punk hardcore sous le nom de Virulence. Ah bah tiens. Voilà. Alors, on peut éventuellement... se demander qu'est-ce que Virulence. Donc Virulence, j'ai été écouté. Un groupe de punk hardcore. C'est un groupe de punk hardcore. Et ouais, effectivement. Bah oui, tu l'as dit. Non, mais vraiment. Bah tu l'as dit. Voilà, donc on reconnaît à la pochette, en fait, Virulence a repris une toile de Jérôme Bosch. C'est le seul album qu'ils ont fait. D'accord. Et moi, j'ai vu qu'il y avait 25 titres. Donc la pochette de Jérôme Bosch, c'est la vision de Tondal. D'accord. Voilà. C'est étonnant. Oui. J'ai trouvé ça plutôt intéressant pour un groupe de punk hardcore de reprendre une peinture de Jérôme Bosch. Oui, c'est sûr. C'est... Voilà. Tu vas savoir qui est Tondal, tu t'en fous, j'imagine. Donc voilà, à ne pas confondre, bien sûr, avec le fameux Fu Manchu, le docteur. Oui. Tu connais le docteur Fu Manchu ? Ben oui. Voilà, qui est un personnage créé, hein, justement, par le Sax Rohmer, qui est un pseudonyme. D'accord. Voilà. Qui a été un personnage inventé en 1912. D'accord. Voilà, pour ceux qui veulent savoir, une série de romans, hein, C'est un génie du mal, d'origine asiatique. Hein. Voilà. Qui a beaucoup contribué à la diffusion de ce stéréotype littéraire. Que les Chinois sont des génies du mal ? Ouais. Et ouais. Lié à la crainte en Occident du péril jaune. Ah bah oui, le fameux. Le fameux péril jaune. D'accord. On retrouve le personnage de Fu Manchu dans de nombreux films, incarné notamment par Boris Karloff et Christopher Lee. Mais je n'en attendais pas moins. Voilà. Et aussi des bandes dessinées. Et apparemment aussi par Nicolas Cage. Non ! Eh si ! C'est moi Nicolas Cage ! Ben ouais, je sais. Ah d'accord. Donc voilà. Le groupe comptait Ken Pucci au chant, Scott Hill à la guitare et Greg McCaughey à la basse et Ruben Romano à la batterie. Leur premier EP, If This Isn't a Dream, est sorti en 89 chez le label américain Alchemy Records. Stabilisé par la suite autour de Hill, le nouveau soliste Eddie Glass Romano à la batterie et Mark Ashbeer à la basse, vite remplacé par Brad Davis, Fu Manchu publie Daredevil en 95 et In Search Of en 96. Eh bien. Qui définissent le contour d'un rock puissant, lourd, mais également très entraînant, à la différence de beaucoup d'autres groupes issus de la même mouvance. Ces deux albums permettent au groupe de se forger une solide réputation live et d'obtenir un vrai statut de cult band. Eh bien. Eh bien. Eh bien. Le tournant arrive en 97. Ah bah je l'attendais. C'est ma période préférée. Avec l'arrivée de Björn Björk, ex-Chaos à la batterie et Bob Balch à la guitare en remplacement de Glass et Romano. Non, je l'avais pas. Je l'avais pas. Partie fondée Nebula. Mais oui. Nebula qui est dans les Gardiens de la Galaxie. C'est ça. Voilà. Avec John Garcia. Balch et Björk poussent le groupe à réaliser un album différent, à la production plus soignée. The Ashen Is Go, qui est non seulement un bon moment de stoner rock'n'roll, mais ouvre aussi le marché européen au groupe. Mmh. Et c'est vrai que quand t'écoutes... Les deux. Je sais pas si tu vois la pochette, si t'as vu un peu les pochettes de Fu Manchu. De Fu Manchu, ouais. C'est le skate, quand il fait alors je ne sais plus la figure. Un Oli. Ouais, c'est possible. Ouais, c'est peut-être ça en plus. Non bah écoute... Je crois que c'est juste avant. Voilà, tu vois. Avant Godzilla's Eaten It Dust. Et juste avant, en 99, King of the Road. Attends, est-ce que le dernier Godzilla Eaten Dust, il est sorti en 2019? Non. C'est marqué ça. Non, non, 99. Ah bah, 2010, Godzilla Eaten Dust. Ouais, c'est ça. Lee Skate. J'ai pas le skate. Alors, c'est The Action Is Go. The Action Is Go. Alors, si tu les cherches sur Spotify, ils n'existent pas. Si, je les ai. The King of Road et The Action Is Go, je les ai. Ah, bah voilà. Moi aussi, si tu dis pas. Donc, je te dis. D'accord. Du coup, voilà. Je préfère. T'es gentil. Te le dire, parce que, bah, voilà. D'accord. Donc ouais, alors ils ont vraiment changé, ils ont vraiment sauté du coq là, là, non ? À direct. Ah ouais, ouais, c'est, j'ai écouté justement ce qu'ils ont fait au tout début, c'était vraiment du punk hardcore, ouais. Pur et dur, du début, hein, dans les années 80. J'entends bien. Voilà. Et après, ils sont passés vraiment à un rock un peu plus... on sentait que ça allait mener vers un rock stoner. Ah ouais ? Rock and roll stoner, ouais. C'est gros, quand t'écoutes, tu vois l'évolution arriver petit à petit. Ah, tu la vois pas arriver petit à petit. Tu la vois. Ah, tu l'as. C'est vraiment, ils ont viré à un moment donné, ils ont tourné, ils ont pris à droite. Ouais. Et justement, ouais, en 97, avec l'arrivée de Björn Björk, tu vois bien en plus le jeu de Björn Björk. Si tu connais un peu le jeu de batterie de Björn Björk, tu vois, c'est typique. Est-ce que c'est pas plutôt lui qui serait arrivé, qui aurait fait fumer tout le monde et que les mecs auraient dit, allez, c'est bon, on va faire ça maintenant. Je pense que c'est ça qui s'est passé. Ouais. Moi, je pense qu'il y a eu un délire comme ça. C'est un petit vice-là. Il a... Et... Non, votre truc hardcore, là, c'est un peu rapide à jouer. Ouais. Attendez. Tirez là-dessus. En même temps, il a fallu 3 albums avant. Mais... Ah ouais. Donc voilà. Donc Fu Manchu, ouais, c'est le groupe vraiment à pas louper si on est fan de stoner, rock'n'roll... Là, cette année, c'est vraiment un groupe à pas louper, parce que c'est vraiment un cult band, comme ils disent. Comme ils disent. Comme on en parlait tout à l'heure, ils vont jouer sous la vallée. On les avait vus sous la vallée et les lumières étaient magnifiques. Ouais. Donc, ouais. Bon, je les ai vus de loin là. Cette année. J'aimerais bien les voir de plus près. Justement, avec la sortie du dernier album, Clone of the Universe. Qui était très très bien. Putain de bon album. Très très très bien. Ouais. Voilà. J'adore vraiment cet album et ouais, j'espère qu'ils joueront la dernière en plus. Je n'ai plus le nom de la dernière, mais qui dure un bon moment. Là. Il y a peu de chance, mais. Je kifferais qu'il la fasse celle-là. Là, vraiment, ce serait l'apothéose. Il Mostro Automatico ? Ah ouais. J'ai pas la durée, mais d'accord. D'accord. Donc, Fu Manchu, c'est un groupe que tu connais ? Ouais, faut pas le louper. Si on aime le stoner rock and roll, Stoner Rock, c'est vraiment le groupe à ne pas louper. J'imagine que ceux qui aiment, qui connaissent, le savent bien. Mais sinon, tu le conseilles aux autres ? Je le conseille largement. Très bien. Très largement. Donc, tu seras devant ? Oui, largement. Gojira, Carcass, Manowar. Gojira, je les ai déjà vus. Fu Manchu, je les ai vus, mais alors d'assez loin. C'était la première fois que tu les voyais, Fu Manchu ? Ouais, c'était la première fois. Ah, d'accord. Et de loin, donc là, cette année, non, je ne ferai pas la deuxième. Sachant que ça passe. Et vendredi, hein, c'est-à-dire qu'il faut être taqué en direct. Ouais, non, mais ça me fait pas peur. Ok, très bien. Eh bien, merci à toi. Non, c'est moi. Je vais passer à mon dernier groupe. D'accord. The Interrupter. Ok. Après, c'est toi qui vois. Hein. Bah, c'est parce que c'est ceux que j'avais tirés au sort. Ah, c'est ça. Donc, qui passe encore le vendredi. Tu n'as que des groupes du vendredi, toi. Je suis un mec du vendredi. En Warzone, de 16h45 à 17h35. De l'après-midi aussi, toi. Hein. Un peu, ouais. Ah, pour du matin, du soir, non, ça te branche pas des masses. Non, non. Face à Demons and Wizard, yes. Et Diamond Head. Ouais, qui était donc l'autre groupe avec Death Angel sous-côté. C'était ça pour répondre aux commentaires auxquels on n'a jamais répondu. Oui. De Laurent Judas, de mémoire. Tout à fait. Bam. Allez hop. Donc, The Interrupter ou Les Interrupteurs est un groupe de ska-punk américain. D'ailleurs, petite précision, je crois que c'est un des. Premier groupe de ska punk qu'on chronique. Oui. Je crois. Oui. Je crois. Formé en 2011 à Los Angeles, qui se trouve en Californie. Et ça, tu le savais, bien sûr. Le groupe comprend Amy Interrupter, donc Amy A-I-M-E-E, qui n'est pas son vrai nom, Interrupter, j'entends, au chant, Jess Bivona à la batterie, Justin Bivona à la basse et Kevin Bivona à la guitare. Ils sont frères, si jamais tu doutes. J'avais un doute. Ouais, bon, je préfère. Ils se sont rencontrés à l'époque où Amy s'appelait encore Allen, Amy Allen, et avait une carrière solo, tandis que les frangins Bivona, eux, officiaient dans leur groupe Telecaster, à ne pas confondre avec la célèbre guitare. Ouais. Amy a commencé à écrire des chansons avec Kevin, qui lui a ramené les frangins, et c'était parti pour The Interrupters. J'ai oublié de te dire que Kevin est aussi ingé son, et qu'il a bossé avec beaucoup de groupes, il a produit pas mal de CD, et il connaît plutôt bien un certain Tim Armstrong. Est-ce que ça te parle ? Qui serait pas le chanteur de Rancid ? Exactement ! Ce qui a par la suite permis au groupe de participer à des tournées avec Rancid, mais également au projet un peu fou Tim Time Bomb and Friends, qui prévoyait la publication en ligne d'une chanson par jour pendant un an. Bref, 5 août 2014, sur le label Hellcat Epitaph, produit par Tim, sort le premier album du groupe, The Interrupters. En accord avec le créateur de Epitaph Records, qui est le guitariste de Bad Religion. C'est un sous Epitaph. Oui, c'est L4, c'est un sous Epitaph. Oui, non, mais c'est pour ça que j'ai précisé L4 Epitaph. Ouais. 2016, deuxième album, Say He Hot Loud, toujours sur le même label et produit par le même gonze. 2018, le 2 mai, on prend les mêmes et on recommence. Fight the Good Fight, Epitaph, Team, tout ça. En bref, The Interrupters, c'est du ska comme on aime, avec un Team jamais trop loin. 3 albums et plusieurs apparitions dans les projets de Team. Quelques chansons utilisées de ci, de là. Un épisode de Twilight Zone, dans des pubs pour T-Mobile, dans un film de Michael Moore. Et un succès en constante progression. Je prévois un album pour l'année prochaine, parce que 2014, 2016, 2018, 2020. Et un fort bon moment du côté de la Warzone, en joie. Donc, il faut savoir qu'en fait, le ska est un style que j'aime assez. Je trouve ça efficace, ça marche bien. Je trouve, j'ai toujours bien aimé ça, en fait. Et là, j'aime bien. Le groupe est, c'est complètement le cas de le dire, totalement efficace. Il remplit totalement le côté de ce qu'on demande, ce qu'on pourrait attendre ou demander à un groupe de ska. Mais malheureusement, je dirais qu'il y a peut-être un petit peu le côté no fun at all, à savoir, sans plus. Et j'ai même hésité, j'ai été voir des lives assez récents, et ça m'a presque déçu parce que je trouve le côté groupe trop, trop préparé, trop... genre, quand elle arrive sur scène, elle fait des signes au public, ou elle fait coucou, mais un peu à la manière des princesses Disney dans la grande parade. Tu sais, genre, je fais des signes à personne, en fait, et tu vois le côté... t'es là, machin, ça fait plaisir, tu vois, mais j'ai regardé deux concerts différents pour essayer de voir si je voyais la même chose, et je retrouvais un petit peu ça, ce côté un petit peu calculé, préparé, un peu fake, malheureusement. Et tu vois les trois frères qui jouent ensemble, en fait, tout a l'air trop calculé. Ouais. Il n'y a pas le côté fou. C'est propre. C'est aussi propre sur scène que sur CD. J'ai trouvé exactement la même chose. Mais tu t'attends, quand tu vas écouter du punk, du hardcore, du ska, enfin, tous ces trucs-là, tu t'attends à un petit grain de folie, un petit truc en plus. Et musicalement, c'est propre, parfait, donc tu pourrais dire ok, donc là ils ont fait le côté carré pour mettre ça sur quelque chose de fixe qui va rester, et effectivement les chansons sont bien, j'ai rien de reprocher, il n'y a rien de négatif, tout est bien, c'est bien, mais quand je m'attendais à quelque chose de plus en live et que je ne l'ai pas eu, j'ai vraiment commencé à voir les défauts, et pour moi les défauts sont un truc trop trop calculé, trop attendu. Alors, quand tu sais qu'ils ont tous fait partie de groupes, machin, choses avant, enfin, je sais pas, je n'irais pas dire que ça sent mauvais, mais il y a un petit côté... ouais, moi, je les avoir vus en live, ça m'a déçu, parce que je m'attendais à un truc moins... Voilà, moins... Tu sais, quand tu vas voir un groupe en live, ce que tu veux, c'est de voir quelque chose de vivant, tu vois pas... Même si c'est préparé, même si les mecs, ils ont leur habitude, parce qu'ils, forcément, ils peuvent pas faire toujours un truc différent, mais... Mmh. Voilà, tu veux voir de... Tu vois, t'as beau savoir que Frank Carter, il va marcher sur les gens, ça marche. La manière dont il le fait, tu vois que c'est... Bah, en même temps, Tim Armstrong, quand on l'a vu il y a 2 ans, ça marche aussi. Ouais. Hein, c'est un groupe de punk, le mec, il était quasiment incapable de chanter son set, quoi. Ou alors, quand il chantait, ça grésillait parce qu'il bavait dans le micro, et tu voyais bien qu'il était défoncé. Et que... Oui. Voilà. Mais encore, ça, c'est autre chose, tu vois. Ça, c'est un mode machin que là, la fille, elle était vraiment... Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui ne m'allait pas et c'est dommage. J'aurais voulu quelque chose de plus vivant, quoi. En plus, le ska, c'est un peu énergique et tout. Et j'ai pas ressenti ça, je trouve. Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire, le côté trop lisse, trop propre. Ouais. Mais tu le ressens même dans la musique, hein, quand t'écoutes. Bah, c'est pour ça que je trouvais ça très. T'as pas besoin de voir en live, hein, tu le ressens direct dans la musique. Oui, mais tu pourrais t'attendre que justement, en live, ça prenne une autre dimension. Tu vois, je vais faire un comparatif osé. On va dire que le groupe le plus connu qui a fait du ska, c'est No Doubt. Dans l'esprit. En live, No Doubt, tu regardes n'importe quel live, tu vois que ça... Il se donne à fond, quoi. Ça bouge à donf. Ouais. C'est, y a de l'énergie comme il n'y a pas, quoi. Ouais. Tu vois. Et après, même si musicalement, ils ont pu varier, ouvrir un peu vers quelque chose d'autre, le groupe se donne... Tu vois, et moi, dans mon imaginaire, le ska, faut que ça bouge quand même un petit peu, tu vois, faut qu'il y ait quelque chose, faut qu'il y ait un truc. Et là, je ne l'ai pas eu. Et donc, à défaut de ne pas l'avoir sur CD, je pensais l'avoir en live, et je l'ai un peu encore moins eu. Mais après, il n'y a rien de négatif, parce que c'est du bon ska, c'est propre, ça marche, c'est efficace. Peut-être un peu trop commercial, c'est peut-être ça le truc. Mais par contre, je suis sûr d'un truc, c'est que le groupe va cartonner. Parce que le groupe est en train de grimper, je le sens, et que même dans les lives, tout le public, dans les lives que je regardais, tout le public connaissait par cœur. Musicalement, c'est très sympa. Hein. Très sympa. C'est, ça passe très très bien. Très bien. C'est très... mainstream. Ouais, voilà, c'est le punk mainstream. Quoi. Ouais. C'est vraiment... tu vois bien que c'est la côte ouest. C'est à la cool, ça marche bien. C'est ça, tac, ouais. Tac, tac. Mais je pense que c'est à l'américaine. Ouais. Tu vois, tout est calculé, faut pas, tu vois, que ça dépasse d'un poil. Je pense que c'est ça, pour ma part. Mais après... Peut-être. Et puis, bah, c'est Epitaph, c'est L4, tu vois. Donc, t'as ce côté aussi très... peut-être très... Très blindé, tu vois, très... Peut-être, mais tu sais ça que ça... C'est comme une grosse boîte, quoi, tu vois. T'as ouais, Epitaph, mais tu sais que selon les trucs, selon les... Enfin, ça pourrait avoir un truc en plus ou un petit grain d'énergie en plus. La musique le permet. Cette musique-là, elle peut te permettre d'avoir un peu plus de trucs. Là, j'avais vraiment l'impression de voir presque... Alors, j'extrapole énormément, mais un peu l'impression de voir une chorégraphie de trucs, quoi. Ouais. C'est un peu ça. Voilà pour ma part ce que j'en ai pensé. Et du coup, ça m'embête un peu parce que j'aurais, avant de voir le live, j'aurais vraiment voulu aller voir pour me faire une idée. Et du coup, là maintenant, j'aurais peut-être moins envie. Ce qui est paradoxal. Il passe en face de qui ? Il passe en face de Demon and Wizard, donc que j'avais écouté, qui revient après tant d'années de ne pas avoir publié de nouveaux trucs. Là, ouais. Ils vont commencer à... Donc, pour l'histoire, ça pourrait être bien de voir ce groupe-là. Et face à Diamond Head, qui est un groupe que j'aimerais bien tomber pour un petit peu le côté sous-côté, et que apparemment le dernier album est très très très très très bon. Ouais. Donc j'aimerais bien voir. Donc je ferai mon avis vraiment là-dessus. Mais malheureusement, je pense pas que j'irai voir Interruptor. Voilà pour ça. Mais je te conseille de regarder un live, tu vois, c'est impressionnant. Oui, pourquoi pas. Voilà, ça voilà pour ce que j'avais à dire de The Interrupteur. C'est bien. C'est un peu comme The Fun Atoll, en fait. C'est lisse. Ouais. Et je pense que tu es d'accord ouais, avec ça. Ouais, personnellement. Ouais, enfin, moi, ça ne m'étonne pas. Très bien. Ça ne m'étonne pas. Et toi, tu aurais voulu voir le groupe ou pas? Bah, je sais pas. Après, faudrait que je découvre ce qui passe en face, mais je pense que de toute façon, j'irai les voir. Ouais. Voilà. D'accord, très bien. Ok, bah tu pourras comme ça mieux en parler. Tout à fait. Tu peux passer à ton dernier groupe? Ouais, bien sûr. Merci à toi. Oh, c'est un plaisir pour de cette chronique sur Interrupteur. Mon dernier groupe, qui se trouve être Devourment. Qui passe le dimanche sous altar de 14h20 à 15h face à Blackberry Smoke et Ryobi. Ok. Pas confondre avec Ryobi, qui est une. Qui n'a aucun lien. Devourment, qui est un groupe de brutal death metal américain, j'irais même jusqu'au grind. Hein. Originaire de Dallas, dans le Texas. Formé en 1995, le groupe se sépare, puis se reforme trois fois. Brad Fincher, avec un C, restant le seul membre de la formation originale. La formation actuelle comprend Ruben Rosas, Chris Andrews, Dave Spencer et Brad Fincher. Le groupe est actuellement signé au label Relapse Records. Label bien connu. Oui. Et auparavant signé chez Brutal Benz ou United Guttural. Ça annonce quand même. Ok. Et aussi Corpse Crystal Records. Ça fait beaucoup de records. Ça fait de janvier. Depuis la formation du groupe, Devourment compte une démo Impaled. Est un album et un album Molestine the Decapitated. Voilà, voilà. Avant de se séparer à la suite de l'incarcération du chanteur Ruben Rosas, qui a pris 2 ans et demi. Pourquoi? On ne sait pas pourquoi. Alors, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Le groupe se reforme brièvement pendant son incarcération, qu'ils ont lancé un EP, un 3-8 apparemment. Depuis, le groupe compte également 2 DVD et 3 albums studio, qui sont Butcher the Week, Unleash the Carnivore et Conceive in Sewage. Une idée de ce que ça veut l'accent, bien dire. Merci. C'est bah, je suis impressionné. Ouais. donc voilà, qu'est-ce que Devourment ? La bagarre. Devourment, c'est vraiment du pur grind death metal. Quoi. En fait, je pense que si c'est le truc que t'avais quand. Oui, quand. C'est vrai, quand t'es arrivé. Ouais. Je pense que c'est comme si tu mettais n'importe quel disque de n'importe quoi, mais d'abord que t'as cassé ton enceinte avec une batte de baseball. Ouais. Et tu le mets en version accélérée un peu. Un peu aussi, ouais. Ouais. C'est de la violence, ouais. Ils ont d'ailleurs, justement, à ce titre, des titres assez sympathiques, justement, comme Killer Baby ou d'autres titres comme ça, qui sont typiques, hein, justement, du grindcore. Et je trouve ça plutôt fleuri. Hein, c'est formidable. Les pochettes aussi sont très très sympathiques. Je vais aller voir. Va voir, franchement, c'est sur une des pochettes d'album, tu peux voir un homme obèse décapité. Je suis jamais fan de tout ça, moi. Ah oui. Enfin, obèse, je sais pas, mais il est très gros. Eh, c'est moi. Ah bon, bah, excuse-moi alors. J'ai un peu pris, c'est vrai. Voilà. Sinon, t'as ouais, comme des titres post-mortal coprophagia. Oui. Sais-tu ce que c'est que la coprophagie? La quoi? La coprophagie. C'est un truc de copropriété, ça. C'est ça, voilà. C'est quand t'es pas d'accord sur un litige entre copropriété, enfin entre, ouais, entre propriétaires. Ouais. C'est, voilà, c'est, tu peux régler le litige post-mortem. Post-mortem, pardon. Mais tout à fait. C'est ça. Alors non, post-mortal, coprophagia, la coprophagie, c'est le fait de manger des excréments. Mais tu peux arrêter de parler de moi. c'est très gênant. Voilà. D'accord. Et bon, alors passons. D'accord. Tu vois, ça passe sous altar, ça. Ouais. Pas sous temple. Oui. Et donc, du coup, qu'est-ce que t'en as pensé, musicalement? Alors, étrangement, il y a des choses que j'aime bien. Ça m'étonne pas. Musicalement. Non, c'est parce que ça change pas mal. C'est, bon, le chant reste quasiment toujours la même chose. Hein. Ça reste du entre le porcin et le... Et l'hérisson. Ouais, c'est ça, ouais. L'homme ourxport, donc c'est un mélange d'homme, d'ours et de porc, certainement. Voilà. C'est assez spécial, hein, musicalement. Mm-hmm. Voilà. C'est du grindcore, death metal. D'accord. Voilà. Pour ceux qui connaissent, ils savent. Pour ceux qui connaissent pas, allez voir ce que donne... Mais toi, par exemple, t'as des trucs que t'as bien aimé, mais donc, est-ce que tu pourrais approfondir ton écoute? Est-ce que tu vas... Ouais, moi ça peut m'arriver de tomber dessus et d'écouter sans problème. Oui, mais de toi-même. De moi-même, ouais. Tout à l'heure, j'ai écouté de moi-même. Oui, mais il y avait l'émission. Aussi, ouais, mais non, je pense que ça peut m'arriver. Mais d'accord. Tout seul, par contre, parce ouais. Que je sais que ça plaira pas. D'accord. Ouais. Et est-ce que comme tu... Benighted, par exemple. C'est, Ah ouais. Alors, c'est pas le même style, parce que Benighted est plus changeant, plus musical. Mm-hmm. Que là, vraiment, c'est des vormandes, c'est plus dans le grindcore death, quoi, vraiment, mm-hmm. c'est de la violence. Mais ouais, non, ça, moi ça me dérange pas, j'aime bien. Et est-ce que tu iras les voir alors? Ils passent face à qui? Blackberry Smoke. Mais si, c'est les. Moi j'avais moi qui ai chroniqué ça, c'était bien. Ouais. Et Wyobi. Ok. Ça c'est toi, ça. Ouais, ouais, je pense que ça peut. Oui, ça peut m'entraîner, ouais. D'accord, très bien. Ok. Voilà. Bon. Autre chose à ajouter? Bah non. Eh bien, merci à toi. Bah écoute. Ça fait déjà 2h15 qu'on enregistre. Oui, bah c'est... J'étais persuadé qu'on allait faire un épisode court. Comme quoi, hein, je suis naïf. Ah bah c'est ça. Du coup, on va passer au dernier groupe. Aux 8 derniers groupes. Donc, je te propose de lancer la roulette qui s'appelle Hellfest 2019 fin. Cool. Et nous allons enfin savoir... Mais attends, il y a Chargotte, là. Non, mais c'est la liste, je les ai rentrés, en fait. Ah, tu les as rentrés. Voilà. Oh ! Il fait quoi, Bobby, là ? Il va tout me baiser dans Paname. Bah non, mais j'ai appuyé sur le bordel. Mais pourquoi ça me met ça ? Qu'est-ce que tu fais ? Non, j'ai appuyé sur... Mais promo, Bobby, jeu. Mais qu'est-ce que t'as foutu ? J'ai rien fait. Non, tu mets suivant, pas jouer. Oui, c'est ce que j'ai fait, ouais, non, suivant. Bah c'est fou ! Alors, bah, Chargotte. Eh ben voilà, tu vois, c'est cohérent. Alors, oh là, je viens de faire une couille. Je viens de faire une couille. C'est comme ça que... Non. Alors, Chargotte, tu dis. Ouais. Qui est un groupe qui est très content de revenir jouer au Hellfest après... Après être venu jouer au Hellfest. Ouais, ils sont contents, les gars. Non, mais ils seront pendant le festival. J'ai lu un truc sur eux, je sais plus quoi, donc... Uh-huh. Tu l'as lu aussi ? Non. Ah, très bien, c'est parfait. Alors, tac, suivant. Je tombe sur... Oh ! Slash featuring Miles Kennedy. Je suis content, c'est le groupe auquel j'avais dans la tête. D'accord. Tu pourrais être content pour moi. Je suis content. Hop, hop. Tesla. Parfait, tant que t'as pas Diamond Head, moi, ça me va. Hop, je te demande une petite seconde, parce que tu me connais, hein, Tesla, qui est donc un des groupes qui a été rajouté suite au désistement. Avec Acid King. Voilà, exactement. On va entendre des grésillements parce que j'ai laissé mon téléphone à côté et je m'en excuse, la vie des gens. Diamond Head ! Ah, yes ! Ben voilà, tu vois. Merci la vie ! Comme quoi la roue tourne. Ah, il était temps, il était tellement temps. Arabrot. Ah putain, mais tu peux pas prendre 3 secondes avant de... Arabrotte, attends, Arabrotte pour mon ami Bob. Ça te fait quoi de savoir que t'as quasiment fini? Quelque chose. Du plaisir. Hein, te dire, ouais, c'est bon, je vais enfin pouvoir écouter des trucs que j'aime. Aussi, ouais. Arabrot, et donc moi, je vais avoir Nova Twins. D'accord. Ah bah... Ah oui, c'est le groupe de Gonzas. Ouais, ouais, donc je suppose que j'aurais pas besoin de tirer mon dernier groupe. Acid King. Et voilà. La vie est une... Chienne. Non, pas du tout. Ah là là, oh là. Le mec a tout fait tomber. Très bien, très bien. Donc, mon dernier groupe est par le fait. Sauras-tu quel est mon dernier groupe? Non. Normalement, c'est de Young God, mais... Hé, je te laisse le tirer, vas-y. J'ai fait n'importe quoi. De Young God. Ah, oh, c'est louf. Un groupe suisse. C'est complètement dingue. Un groupe de Suisse ancien. Ouais. Pas tout jeune, les cocos. Voilà, je te partage ça directement. C'est en truc dégueulasse. Les liens sont pas bons. Hein. C'est juste que les noms des groupes sont bons, mais c'est pour te faire une idée. Tout à fait. Voilà, donc, c'était donc l'épisode 23, l'avant-dernier avant le fest. Ouais. Et on vous souhaite... on va pas perdre de temps. Parce que non. Moi, dans 3 minutes, je vais me coucher, moi. Ouais. Donc, on vous souhaite tous une bonne semaine. Exactement. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière émission avant le festival. On réitère ce qu'on a déjà dit. Alors, ceux qui nous ont déjà répondu, on va venir vous répondre, vous inquiétez pas. Tous ceux qui veulent communiquer avec nous pendant le fest ou qui veulent répondre à des questions ou échanger, n'hésitez pas. Tous ceux qui veulent gagner le pass de et le fabuleux DVD, n'hésitez pas non plus. Bref. Voilà. Faites-nous des retours, venez nous dire que c'est de la merde, tout ça, il n'y a aucun souci, on est là pour tout prendre. Et sur ce, on vous souhaite... Une bonne semaine. On vous aime. On vous emmerde. Sabot de bois. Non, mais j'aime, ça, j'aime pas. Si, c'est bien, ça. Non, mais j'aime pas. Pourquoi ça... Enfin... Écoute, regarde. On vous aime. Et on vous emmerde. C'est mieux. Voilà. Parce qu'il y a un truc... Ouais. C'est plus... Ouais, je sais pas, ça fait tac-tac, ça fait... Je suis d'accord. Ok. Bon, bah j'arrête alors. Bah, il était temps qu'on soit d'accord.